despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día sept merveilles du monde, les sept péchés capitaux, les sept continents, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept boules de cristal, les sept nains, les sept doigts de la main. Enfin bref. L'histoire devra désormais inscrire la septième saison de Koé sur IRJ. Il est de retour, encore plus fou et plus beau aussi, faut bien l'avouer. Avec son équipe de dingue, Julie et ses 7 stagiaires virés, Pietre et ses 7 ans, Guéguette et ses 7 rangées de dents, Loris et ses 7 arrestations, Mika et ses 7 secondes, et Stouff et ses 7 seins. Quoi? Elle en a que 2? Ah, j'aurais dit plus. Préparez-vous à une saison mémorable. Attention, je déclare cette nouvelle saison ouverte dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, balance le générique. Ladies and gentlemen, Koé! Tout va bien, que vous êtes en pleine forme, ça va le public. Et arrêtez de vous arrêter net comme ça, c'est horrible. Suivez ça pas ce grand con là. Ce petit con. Les étudiants, ils s'arrêtent d'applaudir. Enfin, il a arrêté d'applaudir, j'ai pas de vue. Hey, ça fait bizarre, les gens, ils croient que vous n'existez pas. Il faut aller en décrescendo. Mais oui, vas-y, il faut décrescendo, une fin naturelle. Vas-y, vas-y, remonte la fin. Ouais, bonsoir le public, ça va, l'applaudissement. Non. C'est mieux. Non, ne vois pas le mal partout, Julie. C'est mieux. Mais tout à l'heure, c'était genre brutal. Ouais. Ça va, Pietre? Oui, ça va. En pleine forme? Ouais. Bon, mon Guéguette va bien aussi? Oui, ça va. Très bien, très joli t-shirt Coca-Cola. Merci. Très beau. Ça va, Ju? Oui. Tu cherches mon prénom? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, elle va se faire opérer, surtout. Elle est en robe d'hôpital. Regarde. Ah non, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu surtout qu'elle avait pas mis de talons. Elle était en basket. Tout à l'heure, elle m'a fait la bise. Elle en a un peu chié pour se lever. Ah. Alors, ça va. Mais c'est vrai que tu vas à l'hôpital après? Bah ouais, mais j'aime bien. Je suis bien, c'est je suis quoi, à l'aise. Robe c'est mignon, c'est une jupe culotte, regarde. Ah ouais, mais quand on sait qu'il y a un short en dessous, c'est moins marrant. Ah ouais. Oh, c'est moins marrant, j'étais excitée. Ouais, mais c'est pratique, tu vois. Oh, ouais, ah, mais tu peux quand même faire. Il n'y a pas de soutien-gorge. Non. Wow, en même temps, pourquoi? Ah, je viens de voir le téton d'ailleurs. Ah, le mec du premier rang aussi, il a une petite érection. Regarde, le vrai, il a un petit sourire, ouais. Il l'a vu aussi. Ah, mais je le revois encore. Ouais, je le vois encore. Mec, Matt, le téton. Viens, c'est là que ça se passe. Attends, je vois. Attendez, excusez-moi, j'arrive. Non, Julie, c'est scientifique. Tiens-toi normalement. Fais un Facebook Live. Voilà. Là. J'ose plus bouger. Non, là, t'es pas normalement, t'es dressé. Appuie-toi sur la table. Tu prends des photos. Arrête, t'as le téton convivial, c'est joli. Je vois que ça. Ah, c'est en parlant de téton. Parce que si Stouff te montrait les tiens, je peux te dire que ça serait quelque chose. Ouais, j'avoue. Comment ça va? Très bien. Mika, standard, tout va bien aussi? Ouais, super. 0870-42-48, psycho. Ça va, toute l'équipe est là. Margot est encore là. Oui, Margot est encore là. Elle est encore vivante. On est vendredi. Pour l'instant, c'est notre semaine. Voilà, notre nouvelle réalisatrice. Elle est encore là. Tiens-moi. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera de plein de trucs. D'abord, il y aura peut-être des cadeaux et le double hit qui tombera d'un moment à l'autre. N'oubliez pas. DJ Snake et Justin Bieber enchaîné à Justin Bieber ou Justin Bieber enchaîné à DJ Snake et Justin Bieber. Bon, bref, vous avez compris. Vous faites le 611-12 par SMS et vous pouvez gagner un cadeau de ouf, le pack énergie avec l'Apple iPhone. Ouais, l'iPhone il est moins cher, c'est un truc qu'on a eu comme ça en cadeau. L'iPhone 7 avant tout le monde, vous pouvez l'avoir, et le MacBook Air, c'est beau ça, non? On aura du super jeu tout à l'heure, on aura le check ton bahut. Oui, parce que ça y est, la rentrée scolaire a commencé, c'est le moment de checker le bahut. Ouais, c'est vrai. C'est le moment de savoir si mon bahut envoie du lourd ou pas. Mais bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker votre bahut, votre lycée ou votre collège, et on va lui mettre le label COE contrôlé. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un collège ou un lycée qui a le label COE, c'est un meilleur lycée. Ah bah oui, direct. S'il l'a pas, c'est pourri. Il l'affiche généralement. On a bien sûr. Il y a un panneau à l'entrée, comme le truc de Villefleury. Mais absolument. Est-ce que le meilleur lycéen qu'on aura déterminé, genre le premier de la liste, on pourra y aller? Ce serait bien, non? Je vois pas l'intérêt. Non? Ça peut être charmé, n'empêche. Ça peut être charmé. Le meilleur lycée, on y va. On n'a jamais fait d'émission dans un lycée. Bah ouais, c'est drôle, pareil. Ça pourrait être rigolo, ça, un collège où on va faire une émission complète. Ouais, je pense que là, je pense que les proviseurs seraient en mode qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans un amphi et tout. Ouais, mais non. Non, l'amphi, non. Ah, moi j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que c'est. Ou alors une école de mannequins, à la limite. Oui, ouais. Voilà, l'école élite. Voilà, l'école élite dernière année, si possible. Voilà. Ça va être bien. Mais arrête, toi, on avec ton téléphone. Bravo. Tout ça pour dire que tout à l'heure, on aura le check ton bahut, on aura la petite annonce de merde, on aura un vaut mieux avoir. Vous allez kiffer. On aura un invité tout à l'heure, ils sont deux. Un garçon, une fille, Nash. On dit pas le G. Bah non, j'ai toujours dit que c'est ridicule de dire Gnash. C'est Nash. Il y aura DJ Assad qui va venir la semaine prochaine. Sao va venir. Et ma femme, il y a Kim B qui arrive aussi bientôt. Et plein d'autres surprises. On va avoir Kev Adams et Gad Elmaleh. Et Gad Elmaleh qui vont venir nous voir. Et on aura, oui, peut-être un certain maître, mais je ne dirai pas la suite. Ah, ça commence par maître. La semaine prochaine. Un avocat, maître Nadja. Je vous en dis pas plus, mais ça commence par maître. Bon, on aura vous tous au téléphone. Et puis alors surtout cette info là, ce truc là qui est joli. Hein. Il y a le magazine Lui. Hein. Bon, ouais. Je sais qu'il faut pas faire de la pub, mais c'est pas un magazine porno non plus, le magazine Lui. Non. Un magazine d'art, c'est photo artistique. C'est pour les hommes, quoi. Ouais. Le magazine Lui. Qui vient de faire sa couve sur les trois plus belles brésiliennes au monde. Ouais, du coup, ils ont fait trois couvertures. On a vérifié qu'elles n'avaient pas des zizi quand même. Non, on dirait pas. Tu vas pas le voir. Mais. T'as vu comme elles sont magnifiques. Oh là là. C'est beau, hein. Oh là là. Elles sont belles. Donc, les plus belles filles au monde seraient brésiliennes, alors. Ouais. C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas cherché du côté de Saint-Quentin. Hein, parce que. Ils peuvent faire la même. Hein. Ils auraient pu faire Lui à Saint-Quentin. Hein, vraiment, ils seraient plus habillés, peut-être. Ils auraient pu mettre la plus belle fille de Saint-Quentin. Ça aurait été joli. Elles sont jolies, hein. Ouais. Isabelle Fontana, je connaissais pas. Il y en a une qui s'appelle Laïs Ribeiro. Et l'autre, c'est bien celle-là. Fernanda Louise, Lise, là. Elles sont toutes jolies, elles sont différentes mais jolies. Ça se moi j'ai pécho les trois personnellement, je peux vous dire laquelle est la mieux. Et en même temps, évidemment. Mais je te reconnais bien là mon Piet, c'est pour ça que t'es là, t'es mon champion toi. Reste avec nous, on aura Marie dans deux minutes au téléphone, y'a vous tous, passez-nous un coup de fil, on est vendredi et on est là, voici 21 Pilot. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Koé, 19h-22h, sur Énergie. On est tous là sur Énergie, Nash tout à l'heure sera notre invité. Si vous voulez voir toutes les vidéos avec Tal, allez sur notre chaîne YouTube. Il y a les vidéos et toutes les conneries qu'on a fait hier soir dans l'émission. Tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube, Koé officiel. Allez la voir et nous allons bientôt atteindre tous ensemble 1 milliard 200 millions de vues. Déjà ? C'est bon, oui, oui. On est à 1 milliard 145 millions de vues. Tellement ah, vite. C'est un truc de malade, ouais, je sais, ça va très très vite. Suivez-nous sur Twitter, sur Snapchat, Koé off. Suivez-nous sur. Sur quoi aussi ? Sur Facebook et tout et tout. Tiens, on fait un gros bisou à Marie. Marie ! Oui ! Ça va, Marie ? Ça va super, trop contente de vous retrouver. Oh, c'est gentil, ma chérie. C'était bien les vacances ? Court. Oh, en court, pourquoi court, mais vraiment bien. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent de moi. On dit c'est court, on dit c'est court. Mais bien. Bon, et alors, t'as fait quoi pendant les vacances ? Plage. J'ai vraiment profité du soleil. Mais où ? À La Rochelle. Ah, ouais, c'est bien. Bien. Je connais pas du tout La Rochelle. Bah, les plages de La Rochelle, c'est pas connu pour être foufou pour bah, se baigner. Il y en a pas beaucoup surtout. Non. Le reste, c'est de la vase à côté. Elle est artificielle, mais ouais. T'en as à côté. Enfin, t'en as dans les. Enfin, à côté de La Rochelle. Ouais, ouais, ça, je connais bien le coin, ouais. Enfin, mais c'est pas mal. Et puis, il a fait beau là-bas, c'est bien. Bon, et alors, tu nous as envoyé un mail. Tu me dis, mon coco, enfin, vous êtes là. Comme. Qui a fait ce bruit ? C'est psycho, ça. C'est qui psycho. A fait ce bruit ? Ça peut être que psycho. Ouais. Ah non, c'est. Ah non. C'est quoi comme bruit que t'as fait ? On aurait cru un rototo, t'as pas roté, hein ? Non, ça va. Ça va. Elle me met dans le mail. Tout comme tout le monde, je me suis fait bronzer cet été et ça me saoule, car on met 10 jours à être bronzé et ça part au bout de 3. En plus, je pèle, même si je mets de la crème après solaire et c'est dégueulasse. Donc j'ai dit à ma mère, chez qui j'habite, je veux faire des UV pour garder mon bronzage, mais elle veut pas, du coup, je déprime. C'est mauvais pour la santé. Du coup, ça sert bronzer déjà, c'est mauvais pour la santé, ça sert à rien. C'est pour tout le monde, tu le perds au bout de 2 jours, donc je ne vois pas l'intérêt de bronzer sur la Moi j'adore. Bronzer. Ceci dit, c'est vrai que t'es le seul mec que je connais qui est revenu blanc comme un cul de Saint-Tropez. Je suis parti plus tôt que vous. Non, puis tu joues de nuit surtout. T'es surtout ah ouais, oui, j'ai pas vu pour le jour. Mec, t'es revenu, excuse-moi. T'es pas blanc, mais. T'étais vert. Non, mais je perds mon bronzage tout de suite, donc c'est pareil, je vais pas bronzer. Je me fais chier à bronzer sur la plage. T'es sur ta serviette là, et au bout de 10 minutes, je dis bon. Tu peux marcher, tu peux te balader. J'adore ça. J'adore rien faire sur la plage. Je comprends pas l'intérêt de ça. Tu lis un bouquin. Je comprends pas. Au bout de 10 minutes, hyperactif, toi. Sur la serviette, au bout de 10 minutes, je me fais chier. Hein. Bah oui, faire des pâtés pas, de sable avec les enfants. Et mes enfants qui traînent, je ramène tous mes enfants de la plage. Parce que moi, mon fils qui voulait jouer toute l'après-midi là sur la plage, alors que j'avais envie de dormir. C'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est assez rare les gamins qui l'après-midi font bon, je vais me mettre à bronzer. Hein. On va me chercher, je vais rester calme pendant 2 heures. Bon Marie, t'as beaucoup perdu de bronzage? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je suis vraiment blanche, quoi. Blanche comme un cul, j'ai vraiment du mal à bronzer. Et puis, ouais, ça part super vite. Moi, je suis revenu de vacances, j'étais bronzé de ouf, j'ai tout perdu. T'es encore bronzé là? Mais non, je suis tout blanc du visage. Des couleurs quand même, les gars. Mais non, du visage, j'ai tout perdu, je suis tout blanc. Et t'as remarqué, c'est le visage qui perd en premier. Ah ouais, je me suis vu dans la glace ce matin, je me suis trouvé moche, horrible, tout blanc. On peut manger des gélules? Avec plein de carottes. T'es obligé de me faire le signe de manger. Comme un petit oiseau. Ouais, ouais, ça marche. Mais pareil, c'est pareil. Non, c'est avant, pendant et après. C'est 15 jours avant, pendant et 15 jours après. Il paraît que c'est pas... Mais bon, tu gagnes quoi, 2 jours? Mais de toute façon, ouais, tu perds tout. Hein. Moi, j'étais loin, j'étais à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Et tu te prends un bronzage de ouf. Tu sors de l'avion. Mais tu le perds très vite. C'est l'un des bronzages que tu perds le plus vite. Alors, excusez-moi, que le bronzage du Touquet... Du Nord. Quand tu le prends, eh ben il reste super longtemps parce qu'il est vachement fixé. Parce qu'il a mis 363 jours à passer. Donc là, il est là, il passe. C'est vrai que c'est des rayons ultraviolets, mon gars. Quand ils ont passé les nuages, ils te défoncent. Ils sont dans le fond de ta peau. Il faut que je bougerai plus, mec. C'est les warriors, ceux-là. Ah, ils sont collés contre ton visage. Ils vont, je bougerai plus. Mais c'est pareil, le bronzage de montagne, ça reste plus longtemps que le bronzage de la mer. Ouais, tu rentres du ski. Bien l'air con. T'as les deux cons et des lunettes, là. C'est vrai, ça. Tu les vois au mois de février dans Paris, là. Les mecs, ils sont partis une semaine à Valto, là. Ils arrivent, ils ont des marques. Juste de battre des bronzés. Ah non, mais ma petite Marie, je crois qu'il n'y a pas de solution. Bah, on est tous dans le même. Mais moi aussi, j'ai voulu faire comme elle. Hein. Ce matin, je me suis dit, je vais faire des UV. Ça fait du bien en plus. Hein. Et en fait, je me suis dit, non, c'est très mauvais pour la peau. Je veux pas avoir, je préfère être blanc qu'avoir un cancer. Non, les UV, c'est pas dangereux si t'en fais 2-3 fois dans l'année. Voilà. Moi, je sais qu'à chaque fois, au mois de novembre, j'ai une gueule de croque-mort. Mais même là. Hein. Non, ça va. Et du coup, j'en fais toujours un en novembre et janvier, un truc comme ça. Ça se voit pas, hein. De quoi? Ça se voit pas quand tu le fais. Bah non, ça se voit pas. Mais t'as juste tu meilleure mine. Parce que sinon, t'as là, sinon je suis blanc. J'ai trop d'argent, je vais dépenser 70 euros. Tu vois les cernes et tous les trucs, c'est dégueulasse. Bon. Mais si tu fais 2-3 fois dans l'année, détend, ça va. C'est vrai, ça te détend. Ça va. Marie, c'est chiant d'être blanche là, comme ça, tout au long de l'année. Eh bah, maquille-toi. Bah oui, les filles, vous avez ça. Bah oui, mais pas tout le corps. On va pas se maquiller tout le corps. Elles sont habillées. Est-ce que t'as les marques de blanc sur les seins? Ouais. Parce ça, que ça, c'est, moche, ça, c'est ça. Pas plus mal que vous le perdiez. Parce que franchement, cette marque, quand vous enlevez le maillot, des seins tout blancs, là, c'est horrible. Ça, ouais, j'aime bien. Mais moi, c'est pour ça que c'est bien quand vous faisiez sexy, du monokini, quand il y avait des seins à l'air et tout, machin. C'est super, vous bronzez des seins, c'est chouette. Bah, j'ai essayé cet été. Et alors? Mais j'avais peur d'attraper des coups de soleil. Au niveau des seins, c'est mauvais pour les seins. Ah, c'est déconseillé. Je te promets, c'est déconseillé. Eh oui, c'est déconseillé, mais si tu mets de la crème et tout machin, que tu t'exposes pas pendant 8 heures. Non, mais pour le vieillissement de ta peau au niveau des seins, c'est pas bon. Mais Julie, je te parle pas de maladie ou quoi. D'accord, mais un petit peu montrer tes seins, que tes seins prennent un peu le soleil, ça n'a jamais été mauvais. Mais si tu le fais tous les étés, à force, tes seins, ils vont pendre, tout friper. Non, c'est pas ça qui les fera. Après, tu peux jongler avec tes seins, du coup. Mais non. Moi, par exemple, la dernière fois, j'étais chez moi, j'ai tenté le rien du tout. Et t'as pris un coup de soleil de bite. Eh ben j'ai eu peur. Ah, ça, vous savez quoi? Eh ben j'y ai pensé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit. T'as mis la crème solaire ou pas? Bah non. Non. Et j'y ai pensé et j'ai eu très très chaud. Je me suis dit, oh, et si je prends un coup de soleil sur le zizi, qu'est-ce qui va se passer? Imagine, il pèle après. Ah là là, et ben j'ai eu peur, j'ai rangé le business. J'ai dit, j'avais pas confiance. Bah non, puis c'est un truc qui est pas exposé du tout, donc il prend 2 fois plus vite. Hein, direct, mais il était bien. Soleil, hein. Il était comme ça sous son petit parasol. Il était c'est les petits parapluies de cocktail, de verre à cocktail. À un moment donné, j'ai dit, tu veux quelque chose? Il m'a dit, oh, petit cocktail. Il était détendu, il était bien. Excusez-moi, mais il serait vraiment petit si c'est les petits parasols de ce. Je me suis baladé avec des petits trucs, je faisais chouchou, beignet. Je te fais un gros bisou, ma Marie. Je t'embrasse et te prends pas la tête avec ça. En hiver, on débronze, c'est normal. Sinon, on est Vincent Cerutti et on est bronzé toute l'année. Voilà. Quoi que cette année, Vincent, il était pas très bronzé. Non, hein, on l'a vu. Non, je crois que le top, c'est Nikos. Ouais, c'est Nikos toute l'année. Hein. Je crois qu'il a une chaîne à son nom maintenant. Ah, mais oui. Je pense que Nikos, son adresse, c'est Point Soleil. C'est Nikos Soleil. Ah, mais c'est pas bon trop de soleil. Mais lui, il va en Grèce. Tu vois, tu viens 3 jours en Grèce, bim, tu prends du soleil. Et puis les Méditerranéens, il doit prendre plus vite. Ouais, les tomates. Bon, bisous. Je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse. Gros bisous, tout le monde. En tout cas, c'est trop plaisir de vous revoir. À bientôt. Bisous, ma belle. Dans un instant, nous appellerons la Belgique. Je vous dis pas tout de suite pourquoi. Mais il y a une étude qui est sortie, qui n'est pas très flatteuse pour les Belges qui nous écoutent. Ouais. On en parlera dans quelques minutes. Elle n'est pas de moi, hein. Pas de moi du tout cette étude, faudra pas m'engueuler. Voici Willy William. Hey, je me balade dans Paris. Tu sais quoi? Je vais à 4x4, je vais prendre un vélo. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là. Quelques musiciens me donnaient la mélo,

rentrer dans la rentrée avec un peu plus d'humour. Que vous soyez bien. Je sais qu'il y en a qui font la gueule, mais ça y est, c'est le week-end. Mais oui, ça a été vous très allez être détendu ce week-end. Vous allez être bien, ça y est. Ah, c'était la plus belle semaine de l'année. Hein. Ouais, franchement, ouais. On commence le vendredi. Elle est magique celle-là. Elle est magique celle-là. Mais bientôt, il y aura les vacances de la Toussaint. Ou si je dis pas de bêtises, vous faites lundi, mardi et hop, vous êtes en vacances le mercredi. Ouais, d'ailleurs, ouais. Ça gueule. Et pourquoi ils ont mis. Parce qu'avant, il y avait 10 jours, là, ils les ont remis à 2 semaines pour que ce soit à la base plus raccord. Oui, monsieur. Mais c'est cool, ils ont mis du mardi au mardi. Mais non, ça fait chier les parents. Non, du mercredi au dimanche. Ouais, mais le mercredi. Mais ça fait plus 2 semaines du coup. Bah, ça fait 10 jours. À la base, les vacances de la Toussaint, ça a toujours été 10 jours. Oui, sauf que cette année, les zombies à 2 semaines. Ouais. Non. Ça a été 2 semaines depuis quelques années et maintenant, ils sont revenus à 10 jours. Ah, d'accord. Sauf que le bordel, c'est pour les parents qui sont divorcés parce que t'en as un qui a une semaine de vacances et l'autre qui a que 3 jours. Donc voilà. Ah oui, mais il y a du monde. Ah oui, c'est la merde. Bah, pensez-y, les gamins qui nous écoutent, qui font parfois le trajet entre leur mère et leur père, bah, ça va être un peu le bordel parce que ce sera pas égalité cette année. On aura plein de gamins perdus dans les villes. Ouais, ils seront là. Ils chasseront du Pokémon. Ils seront plus avec le doigt qui part comme ça. Ah, attention! Nous allons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, d'ailleurs? On appelle la Belgique. Ah, la Belgique. Puisque je vous rappelle que donc il y a cette info belge. 2 semaines les vacances. Non, je suis en train de regarder. Mais oui, mais je suis là pour octobre, c'est du 24 octobre jusqu'au la reprise, c'est le 7 novembre. Non. Bah si. T'es en 2016 là? Oui, je suis en 2016. Non, je crois pas. On va regarder Julie. Je coûte 19 ou 3. Nous allons en reparler. La Belgique donc, une personne sur 5 ne s'est pas envoyé de mail. Ouais. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame, c'est Lucienne d'Anderlecht. Oui. Oui, bonjour, c'est Énergie à l'appareil, Énergie Bruxelles, comment allez-vous? Ah, mais très bien. Ah, écoutez, alors je vous appelle, chère Lucienne, parce que vous avez gagné un magnifique cadeau. Un très beau cadeau offert par Énergie Belgique, ça nous fait plaisir, ces cadeaux, c'est pour nous. Et comment ça se fait? Alors c'est comme ça, vous avez été totalement tiré au sort. Ah ben c'est bien. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que vous nous envoyez un mail de confirmation. Un quoi? Un mail de confirmation. De confirmation. Et je devrais marquer. Vous nous envoyez un mail. Oui. Voilà. Attendez, hein, parce que moi, je n'entends pas bien. Je vais vous passer monsieur. Hein, ah, il faut recommencer auprès de monsieur, alors, d'accord. Très bien. C'est lui le chef. Hein. Ah, vous dites très bien. On y va. Comment il s'appelle? Raymond. Allez, passez-moi. Ouais. Allez, on y va, Raymond. Allô? Allô, Raymond? Oui. Comment allez-vous, Raymond? Ça va, et vous? Oh, écoutez, ça, magnifique, belle petite journée, hein, belle température, belle arrière-saison. Hein. Bon, alors, je vous appelle parce que vous avez gagné un très beau cadeau, c'est ce que je disais à madame. Oui. Donc, il faut nous envoyer un mail de confirmation. Ah. Voilà. À quelle adresse? Ah, très bien, on progresse. Vous nous l'envoyez à coco@energie.be. Attends. Vous parlez un peu trop vite pour moi. Ça m'étonnerait bien que je parle vite, moi. Parce que autant je connais des fois des gens qui parlent vite, mais alors moi, c'est bien quelqu'un qui parle lentement et qui dit distinctement, c'est pas moi. Hein. Donc, voilà. Coco. Oui. @energie.be. Ah, ben, ça va. Voilà. Et ensuite, il faudrait que vous nous fassiez un petit screenshot du message qu'on va vous envoyer par WhatsApp. Eh ben, je vais faire ça directement. Alors, est-ce que vous avez on peut vous joindre sur WhatsApp? Comment? Est-ce qu'on peut vous joindre sur WhatsApp? Attends, ça, j'ai pas compris. Parce qu'il faudrait faire un petit screenshot. Ah. Et on va faire ça maintenant. Hein. Vous avez WhatsApp? Ça va? Vous avez WhatsApp? Zazat. Pas gagné ça. Alors, je vais vous envoyer un message sur Zazat. D'accord? Ah oui, d'accord. Et faites attention que le mail, il tombe pas dans les spams. Hein. Ouais. Ça, est-ce que c'est que les spams? Ouais. Et après ça, vous allez bien? Et vous? Ouais, ça va? Très bien, ouais. Ah, moi, je me suis fait... Et la santé, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Bah, je me suis fait carjacker l'auto, hein. C'est bien, ça me fait plaisir, ça, vraiment. C'est vrai, et vous, la santé, elle est comment? Ouais, moi, bon, très bonne. Bon. Ouais. Profitez et vous avez été en vacances? Bah écoutez, oui, je suis parti un petit peu en vacances, j'ai pris un peu le soleil. Je crois qu'il sent seul. Hein. Voilà, et c'était, on a bronzé, on a pris des cocktails. Ah, c'est bien ça. On était bien, quoi, voilà. Eh ben, on va faire ça de suite. Hein. Eh ben voilà, hein. Donc ce qu'on se fait, c'est que tu vas me screenshoter ce que je t'envoie sur Warzazad, d'accord, et tu me le renvoies par mail. Ouais, bonne d'accord. Journée. Hein. Allez, attention, ouais. Allez, bisous, hein. Oh. Ouais. À bientôt. Au revoir, Raymond. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle faire semblant de comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, rien capté. Ça, c'est ce qu'on appelle. Allez, gros bisous à la Belgique. On est numéro 1 là-bas tous les soirs grâce à vous. J'espère que tout roule de votre côté. Oui, Julie. Et pour info, c'est bien 2 semaines les vacances. Hein. Ouais. Ah bon? Eh ouais. Oui. C'est merde. Du samedi au lundi. Oh bah merde. Mais non, moi je vois mercredi 19 Merci. Octobre, voilà. jeudi 3 voilà. novembre. Donc Julie, tu vas revoir ton truc parce que c'est du mercredi. C'est bien ce que je disais. Non. On va pas en parler une heure, voici Kung. Si Julie, quand t'as tort, t'as tort. Les gars. Je suis sur le monde. Quand t'as tort, t'as tort. Éduc.gouv du samedi 17 octobre au 2 novembre. La meuf qui a jamais tort. Bienvenue sur Énergie. Ouais, c'est ça. La tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Toute l'équipe est sur Énergie, bonjour. N'oubliez pas que Zao va bien nous voir bientôt. Laissez les coumins. Suivez-nous sur Twitter. Koé officiel, réagissez, hashtag Koé saison 7. Il y a plein de... Combien on est là? Je regarde un peu. On est vendredi, on est quoi? 2 288 000 abonnés. Ça veut dire qu'on est bientôt à 2 300 000 abonnés sur Koé officiel. Suivez-nous. Ça veut dire bientôt un déj. Ça veut dire que bientôt on va remanger ensemble et ça va être une vraie tuerie. Pour l'instant, voici le check tombe à eu. Ouais. Le principe est simple, la rentrée a eu lieu, ou pour certains, lundi. Hein. Tout le monde ne reprend pas en même temps. Oui, il y a aujourd'hui, hier et lundi. Donc aujourd'hui, nous allons checker le tombe à eu de Madison, 17 ans. Ça va ma chérie? Ça va et vous? Oui, Madison, t'habites où? J'habite à Coulommiers. Coulommiers, d'accord, très bien. T'as 17 ans, c'est pas un collège, c'est un lycée là. Oui, c'est un lycée. Ou alors c'est que t'as 2-3 problèmes. Ouais. Voilà, alors, comment il s'appelle le lycée? Il s'appelle Campus Scolaire Georges Cormier. Alors, il a une bonne gueule de lycée, hein, c'est-à-dire, tu le vois à la photo, c'est, on en a tous connu des comme ça. Hein. Et les glauques. Carré, les moche. Glauques, ouais, et moche, ouais. Pas beau. Bon, classement déjà, lycée en 2016, 1055e sur 2013. Oh, c'est pas top. Ouais. Pas foufou, hein. Classement départemental, 14e sur 40. C'est mieux. Ah, c'est pas mal. C'est mieux, c'est mieux. Départemental. C'est mieux dans le département, c'est mieux, c'est mieux. Ils sont sympas dans ce lycée ou pas? Ouais, ça va, ils sont cool. T'es en quelle classe? Je passe en première. Ça va, donc t'as eu une première année. Quel est le point faible du bahut? Parce qu'il y a toujours un point faible. Si, mais enfin, genre, par exemple, quand les profs, ils sont absents. On est prévenus au dernier moment. Oh, mais on peut pas sortir. Ah oui, c'est ça. On peut pas sortir parce que les grilles, elles sont fermées et qu'on n'a pas 18 ans, donc ils nous laissent pas sortir. Et qu'il y a des snipers à la grille. Ouais, est-ce que tu veux que je demande un truc en particulier? Je peux demander des grilles moins hautes, hein. C'est pas gagné-gagné. Hein. Non, marchera pas ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais, un changement que tu voudrais qu'avec tes potes, tu te dis ouais, des fois. Avoir des casiers. Avoir des casiers. Avoir des casiers. Ouais. Ouais, parce que c'est le bordel. On est obligé de taper notre sac. Je sais pas combien de tonnes toute la journée, parce que même au self, on doit l'avoir avec nous. Il n'y a pas de casier. Ça a déjà existé en France, ça, les casiers. Ouais, j'en ai toujours eu toute ma scolarité. Moi, j'en ai jamais eu. Moi, j'en ai jamais eu non plus. J'ai jamais eu un seul casier. Du coup, je croyais qu'il y en avait partout. Qui dans le public a déjà eu des casiers? Ah, oui, d'accord. Ah, okay. Bon, okay. Bon. On va dire que la nouvelle génération a eu des casiers. Et nous, on en a pas eu. Moi j'en ai pas eu non plus. Hein. Jamais eu de casier. Moi, tu laissais ton sac à un endroit, puis tu le reprenais. Ouais. Midi, tu le posais par terre, tu revenais. Ouais. Personne te l'avait piqué. Tu pouvais laisser tous tes livres, tout ça, comme ça, ton sac il est toujours léger. Non, mais même les. Moi, non, les... Ça, c'est que pour les internes. Ouais, moi, les sacs, je les ai toujours laissés traîner à la pause pareil, de midi. Pareil. Personne te piquait un sac. Non. Bon, attention. Nous allons donc essayer de mettre le label qualité. Oui. À ton bahut. Il n'y a pas de points alors, il n'y a rien, c'est comme ça? C'est Koé qualité, mais après, c'est à nous de voir. Après, ça sera à nous de donner une note et de faire le classement. Ok, on y va. On appelle le truc que j'ai pas compris, Georges Cornu. Et je demande le directeur ou pas? Bonjour, non. Et bienvenue non, au lycée Jules Ferry de Coulommiers. Là, c'était Cornu. C'est dépassé de c'est Jules Ferry à Cornu. Georges Cornu. Allô. Ferry, bonjour. Oui, bonjour, oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Madame, comment allez-vous? Je vous dérange pas? Bah non, pas du tout. La rentrée s'est bien passée? Oui, oui, oui, très bien. Voilà, merci. Alors c'est monsieur Coé là, pareil. Hein. Oui. Voilà, j'appelle donc pour le fameux label qualité Coé. Hein, vous savez, nous recensons les lycées de France sur quelques questions simples pour savoir s'ils peuvent avoir le label qualité Coé. Voilà. Eh oui, c'est important. Alors, y a-t-il du Wi-Fi accessible aux élèves? Mais vous voulez... Ben, plutôt que je vous passe quelqu'un de la direction pour ça, parce que... Oh, vous connaissez, madame, hein, vous connaissez bien le lycée, vous savez, il ne faut pas les déranger forcément pour ça aujourd'hui. Hein. Y a-t-il du Wi-Fi dans l'établissement? Non, je ne pense pas. Non. Ah, d'accord, je mets non, ça vous fait un point de moins, ça. Qualité de la cantine? Bon, ça va. Y a ketchup, béarnaise? Parce que parfois, il n'y a pas béarnaise, il n'y a pas ketchup. T'as ketchup, mayo, mais pas béarnaise. Mais pas béarnaise. Non, mais c'est une blague ou quoi, madame, là? Madame, la belle qualité Coé, est-ce que vous pensez qu'on est là pour aujourd'hui, en ce moment, cette période de rentrée, pour rire? Non. Eh ben non, madame, eh ben non. Eh ben moi, ça me fait rire. Ah ben alors, moi, jamais, madame. Moi, je ne ris jamais dans le travail, madame, vous voyez. J'ai ri la dernière fois. Ah ben non, Coupe du Monde 98, c'est tout. C'est le dernier moment où j'ai ri. Depuis, ah ben dis-donc. Oui, je sais. Faut sourire un peu plus à la vie, hein. Vous savez ce qu'on dit? Souris à la vie te sourira. Non, mais là, vous êtes en train de vous ficher de moi, là. Madame, cette question, y a-t-il de la béarnaise à la cantine, vous paraît-elle amusante? Je ne sais pas, je vais vous répondre, je ne sais pas, je ne mange pas la cantine. Et alors, pourquoi, c'est pas bon? Non, je ne mange pas la cantine. Je note, je ne sais pas. C'est pas grave, vous pouvez dire, je ne sais pas. J'en ai encore deux. Hein. Est-ce que les élèves peuvent recharger leur téléphone quelque part? Ça sent le non, ça. Non, je pense pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. D'accord. Et est-ce qu'on peut chasser des Pokémon dans les classes? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Crise d'épilepsie. On peut ou pas? Oui. Ah oui. Ça valait 3 points, madame. Ça. Ah, ouais. D'accord. Vous me direz s'il y a un ronflex ou un bulle bizarre qui se promène. Enfin, est-ce qu'on a le droit, quand on est amoureux, de se rouler des pelles devant tout le monde dans la cour ou c'est interdit? Ça, c'est important. On a le droit, interdit. Interdit? Ah bon? Interdit par la loi. Oh non, vous exagérez. Par la loi? Mais non. Oui, par la loi. Bon, bah, je vous mets pas le label Coé, alors. Ah bah non, là. Il y a que un point sur 6, là. Ouais, là, je vous le mets pas. Je vous le mets pas. Non. La béarnaise aurait pu vous faire basculer de l'autre côté. Mais en plus, ça vous fait rire. Bah, vous m'avez demandé de rire. Et quand je ris, c'est pas bien. Elle a perdu. Ah bah moi, la dernière fois que j'ai ri, c'était à la Coupe du Monde de 2008 aussi. Elle est drôle. Je suis drôle. Bah, je travaillais dans un cirque avant de travailler dans un lycée. Ah bon? Ça vous change pas beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Bon, en tout cas. Elle est marrante. Au début, je me fais engueuler parce que je ris pas, puis quand je ris, je me fais engueuler. Ouais. Bon, je vous embrasse alors. C'est quoi votre prénom? D'accord, vous n'avez pas le label de qualité, c'est pas grave? Tant pis. C'est pas grave, ça me dérange pas. Bon. Et mon prénom, c'est Colette. Colette. Je vous donne une mission. Oui. Checkez-moi la béarnaise à la cantine, s'il vous plaît. Et on reverra la note. Et si vous avez de la béarnaise, je vous passe au rattrapage. Et si jamais, parce qu'elle a dit qu'elle ne savait pas à la base, si jamais il y a quelqu'un de ce collège ou de ce lycée qui nous écoute et qui sait qu'il y a de la béarnaise à la cantine, il peut nous appeler. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, elle nous le confirme, Colette. Colette nous confirme, il n'y a pas. Je vous embrasse, Colette, à bientôt. Oui, au revoir. Regardez, le public va vous applaudir, Colette. Bonne bourre. Je vous rajoute un point. Elle est géniale. Il est bien ce lycée finalement. Au revoir Madison, gros bisous. Au revoir, gros bisous à vous tous. Plus le temps passait, plus c'était mieux avant. Beaucoup de choses ont changé. C'est vrai, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir 20 ans? Juste pour ne pas repenser au passé. C'est vrai, bientôt 30 ans, le futur te met. Today gonna be tomorrow. Don't you worry no more. Take a time to look around. These people care about you. Tomorrow gonna be alright. So don't you worry no. I wanna live my life. I don't wanna wait no more. Show me some paradise. I just wanna see some more. Is there a place for people who wanna be free? If you're looking for me, I'ma be there. I go. Ça va Morgane? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Problème de petits copains qui se retrouvent dans une classe qu'il faut pas. On a tous connu ça ces derniers temps, hein, de genre ouais, j'espère que je vais être dans la bonne classe et tout. On parle dans un instant parce qu'il y a une histoire de petite copine qui va avec. A tout de suite, on revient. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Attention, question, est-ce que vous savez qui va présenter la météo sur la nouvelle chaîne de télé d'info France Info? Claire Chazal. Claire Chazal. Et ouais. Non, sérieux? Claire Chazal va présenter la météo sur la nouvelle chaîne d'info France Info. C'est drôle. C'est-à-dire que Claire Chazal, donc, elle a été d'abord présentatrice du journal télé le plus regardé de France. Ouais. C'était sur TF1. Ensuite, elle a fait une émission sur France 5. Ouais. Et là, la météo. Globalement, dans un mois, on devrait retrouver Claire Chazal dans Les Anges.

ouais, non, d'accord. Je n'aime rien. Mais tu me fais plaisir, tu fais pas ça en... Non, mais t'envoies des lettres de démotivation quand même. Non, pas du tout. Quand t'as un entretien, tu sais que si t'as un patron et que tu lui dis, moi, il y a rien qui m'intéresse et tout, tu l'as pas, non, le poste. Non, non, je trouvais quelque chose. Oui, non, mais d'accord, mais quand tu vas rencontrer. Après, elle cherche pas un truc passionnant. Quand tu veux faire, je sais pas, un métier. Oui, mais quand tu fais un rendez-vous, mais même quand tu dis pas, ouais, j'ai vraiment envie de devenir. Mais c'est pas ça, mais même quand tu veux être hôtesse pour répondre au téléphone, ils vont te demander quelles sont tes passions, ce que t'aimes, pourquoi t'es là. Si tu dis, il faut savoir se vendre. Je sais pas. Non, mais je sais me vendre. Ah, voilà, vas-y. Alors imagine. Bonjour, madame. Alors, la bruxelloise de recrutement. Alors, bonjour. Voilà, tu viens de rejoindre le petit bruxellois, voilà, qui est un restaurant, et tu vas être. On cherche un poste de quelqu'un pour répondre au téléphone. Ouais, mais je préfère m'entraîner quand même dans ma salle de bain devant mon miroir. Mais non, entraîne-toi maintenant. Miroir, bah, non, à côté de toi, c'est pas possible. Il y a un miroir devant toi, vas-y. Ça va être compliqué de trouver du boulot. Quand t'es tout seul, c'est mieux. À côté, comment elle s'appelle, la demoiselle? Mélissa. Ça va, Mélissa? Oui, et toi? T'habites où, Mélissa? À Meulan. À Meulan, très bien, très bien. Tout va bien là-bas? Oui, ça va. Et toi, tu fais quoi à la rentrée? Moi, je passe en BTS communication. Bravo, mademoiselle, c'est très bien. À côté, et tiens, Morgane, on fera le reste du public. Morgane de Mâcon. Ça va, Morgane? Ça va super, et toi? Ouais, tu m'as envoyé un mail, tu me dis, j'ai une grosse galère là. La pire pute du bahut va être dans la même classe que mon petit copain. C'est sympa, ça. Ah là là, la pire pute de mon bahut. C'est génial, ça. Et j'ai peur qu'elle le chauffe parce qu'on se déteste. Je fais quoi? Est-ce que je la tape afin de la calmer direct? On en parle dans un instant, d'accord? Ah ouais, c'est violent quand même. Ne bouge pas, regarde. La pire pute. Ah, j'aime bien ça. Ah ouais. Ah ouais, tu vas être dans la classe, hein. Tu vas être avec ta pute, hein. T'as révisé encore avec ta pute, hein. Ah là là. On en parle dans un instant après Alvaro Soler sur Énergie. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Cette saison sur Énergie, c'est dingue. On aura vu Julie passer de jeune milf à vieille cougar. Dingue, hein. Coé, 19h-22h sur Énergie. Ah, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Je suis pas une cougar. Mais Julie, laissez-les parler. Morgane de Mâcon qui a peur parce que son chéri vient d'arriver dans sa classe avec la pire pute du lycée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, alors d'abord, est-ce que nous avons déjà la preuve que cette demoiselle est légère ? Excellent. Qu'est-ce qu'elle a fait ? En fait, l'année dernière, donc au collège, en troisième, elle chauffait tout ce qui bougeait, donc elle pouvait sortir avec deux mecs à la fois, ça la dérangeait pas en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est dans ce cas-là. Il y en a tout ce qui bouge. Il y en a quand même, excusez-moi, il y a quand même beaucoup de personnes, des fois, qui sont sorties avec deux personnes en même temps, sans être forcément les pires putes ou les pires. Non ? Oui. Bon, attends. Ouais, enfin, des mecs en couple, tout ça. Ouais. En couple, au collège, ça vaut ce que ça vaut, hein. T'as pas encore de crédit bagnole et un labrador en commun, hein. Bah, il faut que t'aies confiance en ton mec, après, pour le coup. Il est amoureux de toi ? Bah, j'ai confiance en lui, mais. Enfin, ouais, je pense, mais. Elle couche ou elle couche pas ? Elle couche. Ah, et toi, tu couches ou tu couches pas ? Non, pas moi. Ah. Alors, donc il va y aller. Alors non, tout dépend du degré d'amour. Parce que si son chéri il est amoureux de Morgane, ouais. Il va attendre, il va dire non. Attends. Non. Mais si elle a des gros seins, il y a des priorités dans la vie. Comment l'autre, ouais. Tu ne l'as pas décrit. Moi j'ai un truc. Elle est la pute bien formée, quoi. Elle est méga bonne. Elle est sainte de la pute bien formée. En fait, toutes les meufs sont juste jalouses d'elle. C'est pour donc, ça en fait, t'es en train de me dire qu'elle est juste bien gaulée. Elle a des, et elle vous a êtes toutes jalouses. Elle a des seins et ça vous emmerde parce qu'elle est plus chaude que vous. Bah ouais, enfin, comment dire. Même les mecs en couple, quoi, elle les drague. Moi, je trouve que ça se fait pas. Moi, j'avais mon amoureux en 6ème. On était amoureux en CM2, en 6ème et tout ça. Il m'a quitté pour se mettre avec une nana du collège qui avait des gros seins et qui roulait des pelles, qui roulait avec la langue. Enfin, qui embrassait avec la langue. Tu le fais que le coude, toi. Mais moi, j'embrassais pas. C'est-à-dire qu'en 6ème, je faisais que des smacks. T'es passé directement. C'est bien rattrapé. Mais elle embrassait toujours pas. Trucs cochons, mais elle fait non, j'embrasse pas. Non, je faisais que des smacks. Et du coup, il s'est mis avec elle en 5ème parce qu'elle avait des gros seins et elle roulait des pelles. Bah, après, il s'est remis avec moi. Est-ce qu'elle a des plus gros seins que toi ? Bah oui, apparemment. Ouais, elle a un an de plus en plus. Ah, ouais. Sachez une chose, c'est qu'au collège, début lycée, les gros seins, c'est un peu la priorité. Hein. Ouais, c'est la vie. Ça passe avant tout. Hein. C'est la vie. C'est clair. Ouais. Ça passe même avant la PlayStation, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est vrai ça dure pas longtemps, jusqu'à 60 ans à peu voilà, près. Voilà, c'est tout, après, ça se calme. Ouais. À partir de 60 ans, on les regarde moins. Ouais. Mais franchement, nous, les mecs, c'est vrai qu'il y a un âge, quand t'es collège, lycée, tu mates. Le physique, il est super important. Mais c'est pareil pour vous, les filles. Ah, ça va. Non, il n'y a pas le physique. Bah, si. Le grand mec qui est sportif, qui a des cheveux longs et qui est trop beau. Il a plus de chance que le mec qui est au club d'échecs. Hein. Vous le regardez aussi, sauf que nous, c'est vrai qu'on va regarder plus les seins d'une nana parce que vous en êtes des mecs. Oui, mais on n'est pas toutes formées au collège. Et bah, c'est d'où le fait de regarder celle qui a des seins. Voilà. Ah oui, mais c'est désavantageux pour nous. Et toi, d'ailleurs, tu n'es toujours pas formée, même quand tu as quitté le collège. C'est pas. C'est pas que tu quittes le collège, là. Il faut que tu passes au lycée. Dépêche-toi, Julie. Bon, Morgane, ma chérie, il faut pas que tu te prennes la tête là-dessus. Vous êtes très amoureux avec ton chéri ? Bah ouais, ça fait bientôt 8 mois, donc. Est-ce qu'il t'a déjà un peu pressé en disant « j'aimerais quand même bien qu'on fasse des cochonneries ?» Non, pas encore. Ah, parce que ça l'intéresse pas ou c'est pas son truc ? Bah, je sais pas, pour l'instant, on en a pas vraiment parlé, donc. Au bout du 8 mois, on en avait pas vraiment parlé ? Tu l'as pas senti un peu pressant ? Non. Il est normal ? Pas te mettre la pression, mais là, ça sent assez mal parti. Attends, faut leur laisser le temps aussi. Quel âge il a ? Il a le même âge que moi, donc 15 ans. Enfin, ça va, ils ont le temps. Julie, à 15 ans, t'as envie de tripoter un sein, mais quand pas même. Ça, en seconde. Ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble, ils ont rien fait. Et en plus, il y a la pire pute du collège qui est dans sa classe. Tu reprends ses mots, précise-le. Qui est formée comme elle. Qui est formée. Comme jamais. Comme jamais. Formée comme jamais. Non mais sérieux. Non mais là c'est mal barré là. Non mais attends, ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble, tu n'as toujours pas eu la main mais baladeuse. Mais ça se trouve la nana elle va être intéressée par d'autres gars. Ça se trouve elle va pas l'intéresser. Ah ouais, il y a ça aussi, il a raison. Peut-être que finalement elle aime les mecs un peu plus vieux et que ça l'intéressera pas. Bah ouais, mais en fait l'année dernière j'ai eu plein de problèmes donc avec ce type parce que justement elle s'est chopée mon copain. Ah. Et je lui ai mis un stop direct. Et elle m'a dit que l'année prochaine elle allait l'avoir, quoi. Ah oui, d'accord. Tu nous avais pas parlé de ce challenge. Ah oui. Ah oui. Ah c'est chaud là. Ah c'est chaud. Ça va être chaud, pétate, ça va être chaud. Hein. Chaud patate. Je te le dis. Pire que chaud patate. Ah, ouais, là, ma belle, ça va être compliqué. Là, il va falloir que tu fasses. Il va falloir que tu le retiennes, hein, ton mec. Faut que tu roules des pelles super bien. Faut que tu lui vendes un peu de rêve. Hein. Bah oui, mais il y a un moment. Elle va pas se forcer à y passer parce qu'il y a une autre. J'ai pas dit ça. Non. Je dis juste qu'il y a une différence entre y rien faire du tout et y passer. C'est-à-dire que là, déjà, ça m'étonne qu'il ait rien tenté en 8 mois. Excuse-moi, nous, en théorie, les mecs, on a la main. En 8 mois, ils avaient 14 ans, il y a 8 mois. Ils vont pas faire ça. À 14 ans, t'as la main qui a envie de se balader vers les seins. Généralement, la fille, elle fait non, elle repousse ta main. Mais au moins, t'es un garçon. On voit que t'as été repoussé. Mais oui, c'est normal. Tu trouves ça joli, ça à portée de main. Tu les as vus dans les magazines, là, c'est à côté de toi, t'as envie d'y aller. Pour voir si c'est sympa. Mais il a jamais tenté. Non. Bah peut-être qu'après il n'était pas prêt non plus, mais pas prêt de caresser les. Bah, mince. Bah il y en a qui sont pas prêts. J'ai rien de caresser des seins, c'est la main qui bouge. Bah ouais, peut-être mais c'est intimidant. Futur... Peut-être un futur curé, hein, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il aime pas le sexe. Ouais. Peut-être que ça l'intéresse pas. Attendez, ils ont 15 ans et ça se trouve, ils pensent pas du tout à ça. Démange, non, ils pensent à ses jeux vidéo avec ses potes et ils pensent à juste avoir une copine et lui rouler des pelles. Ça, Julie, moi, t'es 15 ans. Moi, je ne pensais à rien. Tu les as passés au monastère ou quoi? Parce que quand t'as un garçon et que t'as 15 ans, tu commences à penser qu'à ça. Moi, j'ai fait ça jeune, vous le savez très bien, mais tu le fais quand t'es prêt. Ah, mais même si t'es pas prêt, t'as envie de toucher. Moi, je l'ai fait à 15 ans et avant, il avait rien fait et il était pas prêt. Il l'avait jamais fait avec une autre nana. Donc peut-être qu'il n'est pas prêt. Et la question, c'était est-ce que je dois lui casser la gueule? Non. La réponse est non. Tu vas pas casser la gueule une nana qui n'a rien fait. Et puis si elle te met un coup de sein, tu vas tomber direct. Non. C'est quoi? Ça fait rire, ça. Non, mais n'y va pas. Tant qu'elle a rien fait de mal, tu peux pas l'agresser. Ah non. Tu peux la prévenir. Mais d'un autre côté, si tu la préviens, si tu lui mets la pression et qu'elle t'aime pas, ça va la motiver deux fois plus à y aller. Donc, Ah, mais ça, c'est une bonne idée. De quoi? Tu peux devenir meilleur pote avec elle. Comme ça, elle touchera pas à ton mec. Ça veut rien dire, ça. Elle peut l'attendrir et tout ça en lui disant. Mais t'es pas meilleur pote avec la plus grosse pute de tout le bahut. Non, mais moi, je dis juste, si ton mec, en théorie, il est amoureux de toi, il ne fera rien. Si jamais il va ailleurs. Ou du moins, il ne le dira pas. Mais s'il va ailleurs et que tu l'apprends, c'est que c'est une merde. Voilà, c'est tout. Il ne mérite pas. Oui, c'est qu'il n'est pas vraiment amoureux. Ouais. D'accord? Ok. Il y a un moment, tu ne peux pas tout surveiller. C'est la nature. Tu sais, c'est comme les. Voilà, des fois, c'est la nature. C'est la vie. C'est la vie. Tu ne peux pas être sur quelqu'un tout le temps. S'il a envie de te tromper, il te trompera. Et c'est comme les mamans canards. Les mamans canards, elles ont beau protéger tous les bébés canards. Un jour, il y a un renard qui arrive et qui mange un bébé canard. Ouais. C'est la nature, c'est la loi de la vie. C'est vrai. Maman canard, elle ne peut pas être sur 12 bébés canards en mode il y en a partout, non? C'est bien pour une voiture qu'on part pas. Tu vas faire pleurer Gaguette. Mais c'est vrai. Et à un moment, il y a un bébé canard, il va y passer. Elle est là, même elle se dit, elle dit bon, de toute façon, il était moche. Elle se dit, il en reste 11. Ouais, puisqu'on ne sait pas le perdre celui-là. Puis elle se dit, de toute façon, dans 6 mois, j'en ferai 11. Allez, gros bisous, Morgane, je t'embrasse. Gros bisous. À bientôt. C'est vrai. Et nous, on est là, on se fait chier avec nos enfants, nos bébés. Regardez Julie comme elle nous saoule avec son enfant. Une grenouille. Dès qu'elle fait des œufs. 200 gamins. Tu crois qu'elle connaît les prénoms? Elle je me casse. Et nous, avec nos spermatozoïdes. Un milliard à chaque fois. Ouais, moi, je retiens pas les prénoms. J'ai fait une liste au début, après, c'est fini. Voici Dimitri Vegas sur Énergie. Montez le son. Ça s'écoute fort. C'est énorme. qui réalise ouais. l'émission. Passez-nous un coup de fil 0870 42 ouais. 48 et vous aurez Mika, vous aurez Stouff, voilà. Et la semaine prochaine, défi de Loris, parce que t'as un peu rien branlé cette semaine. C'est vrai, c'est vrai, t'as rien foutu, toi. Non, mais attends, vous excusez-moi, on va remettre ça d'équerre. Ah, non, on est d'accord, oui. Ah, mais cette semaine, rien. L'autre, bah, toute, c'est la, qui a voulu l'autre, faire toute l'année, je vais revenir avec mes défis, machin et tout, et il revient, rien. Si, j'ai fait la péniche, quand même lundi, où je suis resté jusqu'à 6h du matin. Ouais, t'as dormi chez le mec. Défi, ah, boire du champagne. Oh là, je te jure, mais quel escroc, celui-là. Voici la petite annonce de merde du jour. On a le temps ? Oui. On a le temps. Tout à l'heure, il y aura le super jeu. Qu'est-ce qu'on fera encore ? Il y aura le retour du vaut mieux avoir. Je sais que vous êtes nombreux à nous le demander, celui-là. Heureux pour nous, mais... Pour nous, non. Oh, ça va aller, ça va aller. Il y aura Nash qui va venir tout à l'heure. Nash. Mais pour l'instant, l'objet qui est à vendre est magnifique. Période de rentrée scolaire, j'ai ce qu'il vous faut. À vendre, très vieux cartable, sacoche vert cuir, très usé. Oh. Et ça, ça peut plaire à des mecs qui sont, dire, hein, qui sont dans l'ancien. C'est moche, mais c'est dans l'ancien, il est pas beau celui-là. Ah, il est pas beau, il est vert, hein, Pierre. Ouais, c'est vrai qu'il... Il est vert, hein. C'est vraiment le cartable du prof d'histoire géo qui vient avec ses fiches. Hein. Ouais, c'est clair, et qui pue de la gueule. Très usé. Il vend ça combien ? Le mec dit quand même que des parties commencent à se déchirer. Idéal pour spectacle ou théâtre, la poignée et la ferrure et la fermeture sont en très bon état. Ça se vend 5€. Ah, c'est pas cher. 5€. Moi, il y a des gens qui passent du temps à passer des annonces pour des objets à des prix. 5€, ça vaut le coup quand même. Enfin, les amis, la balayette à chiottes à 3€. Enfin, on est d'accord. Non, mais enfin, 3€. Les mecs, ils se font, ils répondent, ils passent un temps fou. C'est du temps de passer pour. S'ils font 5€ par-ci, 3€ par-là. 3€, c'est 3 baguettes de pain. Et vide-grenier. Regardez-moi ça, toutes ces merdes là. Qu'il y a des fois les vide-greniers. T'as l'impression que c'est pas des vide-greniers, c'est des vide-poubelles. Ah ouais, j'en ai fait. Les gens, ils mettent des trucs sur les trottoirs. Mais tu rigoles, moi j'ai fait une brocante avant de partir en vacances, je me suis fait de la thune. Je me suis fait 500 balles. Pareil. T'as été déposé des objets sur une brocante ? Ouais. J'ai fait la brocante du 15e. Moi j'avais fait dans mon quartier pareil, j'ai vendu plein de fringues et des machines à café qui marchaient plus. Et bah c'est quoi, je suis arrivée à 6h du mat, je suis repartie à 16h, bah je me suis fait 500€. Bravo. Bah ouais, franchement, c'est cool. Ça m'a payé mon déménagement. Voilà. C'est une bonne journée en plus. Bah ouais. Ah bah oui. Ah bah c'est chiant à faire. La journée mais est trop chiante, normalement tu te débarrasses de tout ouais, et tu te fais de la thune. C'est marrant, franchement. Ça me casserait les couilles de voir tous ces connards qui veulent acheter des objets pour pas cher. Ah, qui font les rats là, tellement ils s'ennuient à pousser leurs gamins parce qu'ils ont une soirée de merde, ils savent pas quoi faire. Ils vont passer une brocante du matin au soir là, ils se promènent comme ça, tellement ils vont doucement. Hein. C'est quoi ça, dis donc ? Un vieux tracteur, il a plus de roues, c'est joli. Combien ? 4€ ? 2,50€. Va te faire enculer avec 2,50€. Oh là là, mais moi, tu me fais tenir un stand, mais je tue le premier qui se balade. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. J'ai le droit de dire que c'est de la merde, j'ai le droit de dire que c'est la pire occupation du monde. Mais non, parce que tu peux trouver des objets pas chers. J'ai le droit de dire, c'est mon avis, qu'il y a des gens qui se font tellement chier. Avec leur gosse qui passe le dimanche à pousser la poussette parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Mais tu chies, c'est pas dire, tu te fais chier. J'ai raison, vous le savez. Mais non. Il y a des gens, ils se font tellement chier à la campagne, il faut qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une brocante. Ah, on y va, on y va ! Et bah, je te signale que les trois quarts de la France. Une brocante, sinon je me suicide, je vais me pendre en lustre. Les trois quarts des gens de la France font ça, je suis désolée. Et les trois quarts le font parce qu'ils se font chier. Mais non, mais parce que tu peux trouver des choses pas chères. J'ai vécu à la campagne, je suis le premier à savoir qu'on s'y fait chier le dimanche. On est d'accord. Je le sais, il y a que les Parisiens qui trouvent ça génial la campagne le dimanche. Les gens qui vivent à la campagne de dimanche, ils s'emmerdent. On est d'accord. Ils sont là, ils sortent les gamins. Alors, quand ils ont des gamins, ils savent plus quoi faire. Alors, on va se promener. Mais on va où ? Je sais pas, c'est fermé. On va se promener quand même. On s'en va. On y va, on s'en va. On quitte la maison parce qu'ils hurlent dans la gare. Et alors, du coup, c'est cool d'aller faire une brocante et d'aller te balader et trouver un vase à 5€. C'est génial. C'est génial. C'est pas si le mec il a pissé dedans et tout. Et toi, tu kiffes le bon coin. Tu kiffes le bon coin parce que tu vends ton canapé, ta table. C'est ça le bon coin. Tu vends mes merdes à moi. Et bah, tu vends tes merdes. Et bah, là, c'est la même chose, mais en réel. Mais je peux pas envie d'aller me balader au milieu des merdes des gens, moi. Là, je trouve que les vide-greniers, c'est une poubelle à ciel ouvert. C'est le truc horrible. Il y a un truc de bien, il y a un truc de bien pour 1000 merdes. Je suis d'accord que c'est à côté de arrêtez vos conneries. Les mecs, ils te vendent des vieilles cartes Panini, 12 Pokémon pourris. Moi, ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Si mais c'est super bien pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se permettent d'acheter des trucs à moindre coût. C'est vrai qu'on a parlé, et notre sacoche, on l'a pas acheté la sacoche. Il la vend plus, du coup, il est dégoûté. Le mec, s'il nous écoute, il dit enlève l'annonce. Tu vas sur le bon coin, tu vois l'annonce, elle disparaît sur le coin de l'écran doucement comme si on tirait une feuille. C'est vous qui vendez la sacoche ? Non. Non, non, moi je vais faire un resto, je fais des brunchs le midi. Allez, on y va. Si on arrive à lui faire dire que c'est de la merde, on lui dit qu'on lui achètera pas. Voilà. Ta sacoche poivre. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui ? Oui, je vous écoute. Voilà, je vous appelle pour l'annonce du très vieux cartable. C'est vous ? Je vous entends très très je mal. Je disais, j'appelle pour l'annonce du vieux cartable. D'accord, c'est votre épouse qui a appelé ce matin, oui, peut-être. Oui, tout à fait, oui. C'est ma femme qui a téléphoné tout à l'heure. Oui, oui. Je ne vous dérange pas? Un petit peu, mais si vous êtes rapide, ça va aller. D'accord, c'est ce que dit ma femme. Black Vintage. Bon, alors, il est toujours disponible? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Parce que moi, je voulais l'offrir. Je vais l'offrir à ma mère, là, dans les semaines qui viennent. Vous avez vu qu'il est très vieux. Hein. Comme ma mère. Et il y a des coutures à refaire. Hein. Comme ma mère. donc, voilà. Donc, je voulais l'offrir à... Ah oui, mais alors, peut-être que pour une femme... C'est peut-être un cadeau de merde hein, pour une femme. Ça dépend. Moi, personnellement, je le trouve joli malgré son état. Je comprends, mais si je vous offrais ça, est-ce que vous diriez que c'est un beau cadeau ou c'est un cadeau de merde? Franchement, on est entre nous. Il faut mettre quelque chose dedans. Oui. Oui, mais imaginons que ça. Vous diriez quoi? Vous diriez, oh, c'est un beau cadeau ou c'est un cadeau de merde? Franchement, on se dit tout. Je sais pas. Je connais pas votre maman. Ouais, vous diriez que c'est de la merde. Je pense que vous diriez. Ouais, vous diriez ça. Hein. Mais je sais pas, c'est à titre de souvenir, de choses comme ça. Non, comme ça. Non, comme ça. Pour son anniversaire. Ouais. Elle voulait un sac à main. Ouais. Donc si je lui offre ça. Ah ouais, non. Ah non. Ouais. Non, ça va être de la merde. Ouais, hein. Ouais. Ouais. Hein. Ouais. Un peu. Je vous laisse réfléchir. Non, j'ai envie que vous me disiez. C'est un comment peu. Non, j'ai envie que vous me disiez parce qu'il faut que vous me guidiez, je suis perdu. Si elle voulait un sac à main comme cadeau, ouais, c'est un peu de la merde. Ouais, non. C'est plutôt que ça fait pas sac à main. Ah, quoi. C'est un peu de la merde alors. Donc, c'est de la merde. On vous l'achète pas. Voilà. Bonne soirée, amusez-vous bien. Merci tout ça pour beaucoup. Ça. Tout ça pour ça. Zaro sera notre invité la semaine prochaine. Elle était gentille en plus. Elle était gentille. Elle vendra dans une brocante. Et si ce week-end on se faisait une petite brocante. Bah pourquoi ça, pas ça. Non. On s'enchaîne avec une foire. J'ai trop de trucs à vendre. Allez, bienvenue. Vas-y, Zaro maintenant. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. J'aimerais vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez les coumas. Laissez-les parler. Laissez les coumas. Laissez les coumas. Laissez-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler.

sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent president. The trumpets blow. Pokémon, je peux en parler maintenant ou pas? Ah, bah bon, j'aurai une info alors tout à l'heure, un peu qui un peu j'ai envie de vous olé, dire olé. Qui mélange le sexe et les Pokémon. Waouh. Ça mal. Fait rêver ça. Ah là, il y en a qui disent est-ce que c'est des nouveaux Pokémon? Un soutif Pokéball. Non. Est-ce que c'est des nouveaux personnages, genre trop bizarres ou des trucs comme ça? Non. Il y a, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il y a un truc qui est des soutiens-gorge. Je serais pas idiot. Avec des, avec la, le petit bouton hein. Du Pokéball à la place des tétons. Ça je vais regarder. Mignon, non? Je vais te laisser jouer chez toi. Ça va être sympa. Après une petite journée brocante. C'est quoi si on en trouve un, tu le testeras. J'en ai trouvé. On va t'en acheter. Non. Si. Il y a un soutien-gorge Pokéball. Ah, obligé, tu le testes. Tu veux voir? Oh voilà. La classe! Ah, alors c'est pour toi. Il est trop beau! Oh la. T'aimes bien? Ouais. Il est pas mal, n'empêche. J'aime bien, moi. T'as toute chelou. Fais voir? Toute chelou, toi. Bon, il est pas si. Est-ce qu'il a d'autres? T'as la culotte qui va avec? Il est vintage, il est déjà porté. Il est bien. Faites un bisou à Mehdi, 19 ans du Havre. Ça va, Mehdi? Oh, il y en a en stress. Salut, l'équipe. Salut, mon gars. T'es en forme? Est-ce que t'es passé cet été au Havre ou t'as bougé un peu? Non, je suis au Havre. Et cet été, t'as fait quoi? Non, je suis resté au Havre parce que je travaillais, c'est pour ça. Ah, t'as fait quoi au Havre? J'ai fait des jobs d'été, des remplacements pour les collègues des ordures ménagères. C'est bien ça. T'as bossé, mec, c'est courageux, je dis c'est oui, bien. Ouais. Omar, c'est papa, il a 47 ans. Oui, voilà. D'accord, est-ce que ton père est du genre à s'énerver un petit peu? Vu les phrases que vous m'avez données, franchement, je pense que ça va gueuler grave. Qu'est-ce qu'il énerve? C'est les études? Ouais. Les sujets sensibles, genre drogue, alcool, tout ça, papa et gueule. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il aime pas qu'on lui fasse une remarque sur ses dents avancées. Non. Je comprends. Ouais, moi, ouais, c'est les gens qui ont. Ouais, faut pas d'humour là-dessus. Ah non. Quand t'as les dents. Non, des fois, même pour rigoler, mais voilà, ça, c'est pour rigoler, mais il aime pas trop qu'on lui fasse la remarque. Quoi. Non, je peux comprendre. S'il est énervé, il peut insulter dans beaucoup de langues. Oui, mais surtout l'arabe, ouais. Ouais, je me doute bien, oui, il va pas se mettre à parler japonais en 3 secondes. Non, ou alors c'est il a Satan en lui. Et il déteste qu'on lui mente. Ah, voilà, exactement. Voici les 5 phrases que tu vas lui dire. Qui est Roman? C'est une amie à moi, une très bonne amie que je connais depuis le collège. Il l'aime bien? En fait, il l'a jamais vu et il sait juste à quoi ressemble via les photos, mais il l'a jamais entendu parler. Voici les 5 phrases. Je sors avec Roman. Et son enfant, je l'aime comme si c'était le mien. Parce que visiblement, elle a un enfant. Ouais. Du coup, je fais pas ma rentrée, j'arrête les cours, faudra trouver du taf. En attendant, t'as intérêt à me filer de la thune pour nous aider. C'est pas le moment que je te dise que j'ai fumé du shit, je pense. Et la dernière, allez, ta gueule, dent de lapin, tu me saoules, je fais ce que je veux. Ouais, ça peut être violent, ça. Reste avec nous dans un instant, on en parle. Qu'est-ce qu'on écoute, Julie? Évangeline. C'est qui, Évangeline? J'ai cru que c'était Évangélie la dernière fois qu'on passait. Je me suis dit, bon, on passe Évangélie. Je crois que j'aime bien ça. C'est vrai? Ouais. Bah fais-toi kiffer. Monte le son, Évangélie sur Énergie. Take you away far from what you know. golden throne. Eyes like the moon, they're dark and quiet. A simple spark, it ignites my heart. Take you away, far from what you know. Take me away to my golden throne. Close your eyes, you'll find blink twice. Take a hit, let it sink in. Dragged and faded, nearly there. No control. Je confirme, j'adore. Evangeline, c'est sympa, hein. C'est bien foutu. Bienvenue sur Énergie, tout le monde, c'est le moment du super jeu. Fini les vacances. Koué fait sa rentrée. Et il a même pas pleuré. En même temps, il a l'habitude, hein. Ça fait 7 fois qu'il redouble. Koué, 19h, 22h. Yes! Voici le moment du super jeu avec à gagner quoi, Julie, pour le bon super jeu qui se passe bien, s'il se passe bien. J'ai réfléchi, peut-être une Xbox 360. Oh, pour finir la semaine, c'est pas mal. Xbox. Je pense que c'est Xbox une One. Sinon tu l'as eu sur la banque. Je pense que si tu lui refais une 360, c'est un peu un cadeau vintage. Ouais, j'étais dans ma brocante. Oh merde. Xbox One, mon gars. Mehdi, voici, redonne-moi les 5 phrases que tu vas dire à ton père, vas-y. Alors, je sors avec Roman et mon enfant, je l'aime comme si c'était le mien. Son enfant. Du coup, je fais pas ma rentrée, j'arrête les cours et faudra trouver du taf. En attendant, t'as intérêt à me filer de la thune pour nous aider. Mm-hmm. C'est pas le moment que je te dise que j'ai fumé du shit, je pense. Allez, ta gueule dans le lapin, tu me saoules, je fais ce que je veux. Ouais. Faut que ça hurle. Hein. Julie sera Roman. Ouais. Ok. On y va, c'est parti. C'est parti. Sois bon. La thune, non ? Oh là, mais qu'est-ce que tu fais? Un peu moins de bruit peut-être, jeune homme. Allô? Oui, Ouais, papa, c'est moi, ça va ? Oui, ça va, et toi ? Ouais, ça va. Voilà, je t'appelais parce que je voulais te dire un truc. Tu voulais me dire un truc, ouais, vas-y, je t'écoute. Je le sens pas du tout, mais bon, vas-y. Non, mais promis, tu t'énerves pas. Ouais, mais déjà, ta voix, je vois déjà le truc à arriver. Déjà, en ce moment, tu m'énerves. Alors, vas-y, je t'écoute. C'est bon, calme-toi. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu vois la fille que je voyais en ce moment, Romane, je sais pas si tu te souviens d'elle, même je suis parti manger plusieurs fois chez elle. Oui, peut-être oui. Enfin, c'était juste pour te dire que je sors avec et son enfant, je l'aime bien. Bah, que tu sors avec, oui, que ton enfant, que tu l'aimes bien, ok, et alors ? Oui, bah, j'aime bien parce que j'aime comme si c'était le mien, quoi, parce que, en fait. Son enfant il m'aime bien, voilà, moi j'ai des bons délires avec sa petite, je m'entends bien avec Romane et puis voilà quoi. Oui, et puis l'enfant, oui, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis l'enfant tu aimes bien, tu veux en venir où là ? Bah c'est pour dire que je comptais aller vivre avec. Tu blagues j'espère ? Non. Tu vas vivre avec une meuf qui a déjà un enfant ? Et puis tu vas le nourrir comment ? Bah je pensais que du coup je ferais pas ma rentrée mais j'arrête les cours pour trouver du taf. Quoi, tu veux arrêter les cours pour trouver du taf ? Toi, tu vas trouver du taf, toi ? Bah oui. Il y en a bien qui trouvent comme ça, et puis pourquoi pas moi ? Écoute, on verra ça plus tard. Là, t'es où, là ? Bah, je suis chez elle. En plus, t'es chez elle. Écoute, je vois pas du tout ça d'un bon oeil. Moi, que tu te mettes avec une meuf qui a déjà un gamin, ça m'intéresse pas trop. Je t'ai déjà dit 10 000 fois, profite de la vie. Attends, deux secondes. Non, mais attends, t'as nous filé la thune pour nous aider. Moi, je te le dis direct. Hein. Ah, mais comment tu me parles, là ? Moi, je t'ai élevé comme ça, moi. Et puis, tu crois qu'en me parlant comme ça, je vais te donner de la thune direct ? Je vais te mettre un bouchon dans ta face. Tu vas voir, je vais te donner de la thune direct. T'as vu ça où ? Eh ben, mais je veux dire, je n'en pas de la thune, elle. Bah, elle travaille, mais c'est pas bien payé, elle a la CAF, quoi. Eh ben, profite de la CAF, justement, profite de la CAF. T'as raison, profite de la CAF. Mais je suis majeur, je fais ce que je veux déjà, non ? Mais t'es majeur, mais je sais même pas si t'as tes 32 dents, espèce de connard, va. Je sais même pas si tu les as. Mais faut m'arrêter, je fais ce que je veux. Mais tu fais ce que tu veux, mais t'es vraiment idiot. Déjà, rentre à la maison, et puis on va voir ça ensemble, déjà. Et en plus, tu vas dire ça à ta mère, ça va être encore pire. Non, mais non, il dit pas, parce qu'en plus, je pense que c'est pas le moment que je te dise que j'ai fumé des shit, déjà. Donc voilà, mais après, dis pas non, parce qu'après, moi... Attends, que t'as fumé quoi ? Du shit, avec Florian. Mais narasa dialek, je vais te nahez, zelda dialek, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en arabe, ça ? Oui. Mais tu fumes du shit, toi, tu fumes du shit, toi ? Mais ça veut dire quoi, déjà, précise, je sais pas, on parle français, on est en France, non ? On est en France. Je vais te mettre un bouchon, t'es français, on est en France. Toi, t'es français, toi ? Toi, t'es aussi français que moi, toi ? Hé, hey, t'es gueule dans le lapin, tu me saoules, je fais ce que je veux, déjà, je commence pas à me saouler, déjà, toute l'année, tu me saoules... C'est bon. Ah, vas-y, rentre à la maison, parce que là, tu fais le grand, tu dois être à côté d'elle ou je sais pas quoi. Mehdi, je vais te bouchonner. Mehdi, je vais te fracasser. Mais ta gueule, je t'ai dit dans la porte, tu me souches, je fais ce que je veux, je t'ai dit, ok ? C'est clair ? Mais espèce de connard, mais rentre à la maison, on va discuter. Et je t'ai dit, ta mère, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va te faire. Même ta mère, elle va te bouchonner. Tu fais le bonhomme, tu vas voir. Rentre à la maison. Je vais te défoncer. Bugs Bunny, ferme-le un peu, tu me saoules. Il a accroché. Ah non. J'ai même pas eu le temps de... Oh, il est bien, ça montait, on y retourne. Mais tu lui dis trop vite, dans de lapin. Tu lui dis trop vite dans ta phrase. Dans de lapin, t'es machin. Vas-y. Ça l'a vraiment énervé, ça. On y retourne, c'est bien, il est bien, papa, il est chaud, patate. Chaud. On est parti. Code 9 docteur. Quand je vais t'attraper, tu vas voir code 9. Ramène ta gueule, t'es à côté d'elle, ramène ta gueule. Tu vas voir. Mais je ramène pas ma gueule. Et laisse-moi, de toute façon, j'ai du gratin là, à la maison, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Tu veux discuter avec moi, tu viens devant moi. Mais ta gueule avec tes grandes dents aussi, tu me saoules, ça. Oh, ok, ramène ta gueule, tu vas voir comment je vais te défoncer, espèce de truc. Tu veux te parler. Bébé, c'est bon, Bugs Bunny veut bien donner de l'argent ou pas ? Tu vas voir. Qu'est-ce que t'as dit, bébé ? Bébé, tu lui as demandé de l'argent ou pas, Bugs Bunny, là ? Je l'entends, il s'énerve derrière, mais... Moi, j'ai besoin d'argent hein, pour ma fille. Et puis, attends, j'ai rêvé où elle a dit Bugs Bunny, là hey, non, si, elle dit. Bébé oui. Oh, Bugs Bunny, il se calme ou quoi? Bébé, va te laver, bébé. Va te laver quoi, avant de garder bébé. Je l'entends gueuler avec ses grandes dents, là, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je sais quoi, il fait comment gueuler. J'ai des grandes dents, elle m'a déjà vu, elle. J'entends, là, il racle le téléphone. Hé, va te laver le cul. Il dit quoi? J'ai dit va te laver le cul. Allô? Oui, allô? Eh, hey, tu vas te calmer, Bugs Bunny, là, oh. Ouais, bah calme-toi aussi. D'où que tu me parles comme ça, toi? Mais d'où tu cries comme ça? Ton fils, il dit qu'il est amoureux de moi. C'est bien, tu devrais être content pour lui. J'ai une fille, alors. Ouais, je suis content pour lui. Ça se voit pas que je suis content, là. Mais oui, j'entends que t'es content, mais avec tes grandes dents, là, ça fait du bruit dans le téléphone, on entend rien. Eh, hey, mais va te laver, je te le dis, va te laver. Va te laver, ça n'a rien à voir. Bah, comme toi, tu parles à ma femme aussi, comme toi. Vas-y, calme-toi, va manger une carotte, là, nous fais pas chier. T'es même pas marié, je sais même plus quoi dire, t'es tellement calme. Voilà, j'ai pas de répartie. Bah, va manger des carottes, allez, va les râper en même temps. C'est bon les carottes, à ce qui paraît, ça rend aimable. Mais apparemment, ça marche pas sur moi. Ah non, ça marche pas sur toi, non? Ouais. Va te laver, passe-moi mon fils. Connard de terre. Espèce de connard. T'es content en plus, t'étais à côté d'elle à l'entrée. Connard de terre. C'est marrant de lui, ça. T'es un vrai hamor. Comme on dit chez nous, t'es un vrai tahan. Tu sais quoi les tahan chez nous? C'est les hommes des hommes. Bon, ça y est, c'est calmé là ou quoi? Non, il est toujours énervé, il est vénère. Ouais, il est vénère, il est vénère. Il est vénère, ses grandes dents. Arrête, Julie. Laver. Va te laver. Quoi de neuf docteur? Oui, vas-y, change ta répartie. Quoi de neuf docteur? Ça y est, c'est bon. J'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Il y a que ça. Quoi de neuf docteur? On a que ça en stock. J'ai que celle-là. Omar? Là, vous êtes combien là? On est 5. C'est qui parle là? Alors, on est 5, je te donne les prénoms. John. Bonsoir. Fitz. Salut. Gérald. Salut. Ken. Oui. Et Eddie. Wesh. John Fitz Gérald Kennedy. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi? C'est quoi? Mehdi! Quoi? C'est quoi tout ce monde-là, là? Ah, on aurait pu faire John Fitzgerald, Ken Mehdi. C'est mes amis. Ah, c'est tes amis, Vite, trouvons une fin. C'est tes amis, peut-être qu'ils sont sur énergie et que c'est une blague. C'est bien comme fin, ça, non? Ouais, ça va, ça. Ah, c'est pas mal. C'est tes amis, peut-être... Ah, ouais. C'est une connerie. Oh non. Ouais. C'est une blague. Si. Je vais te tuer. Mehdi, excuse-toi auprès de ton père tout de suite. Excuse-moi papa, je t'aime, c'est bon. Voilà, très bien. Tout ça pour dire qu'évidemment, il arrête pas les études et machin et tout, oui. Et voilà. Et t'es très beau avec tes dents. Julie, il en fait. Oh la honte. Ah. Je te fais un gros bisou Omar et la Xbox One on l'envoie à Mehdi. À bientôt les deux, bisous. Ok, bisous. Mehdi, je vais te tuer. À bientôt. Inscrivez-vous pour les prochains super jeux. La semaine prochaine, il y aura encore des cadeaux de ouf. Koé @energie.com pour envoyer un mail et laisser votre numéro de téléphone ou aller sur notre Facebook. Allez dans message. Voici Sopra et notre invité dans quelques jours. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas.

Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La tablette MPMAN 8 Go avec un super écran et deux caméras à moins de 50 euros chez Leclerc. Du 30 août au 3 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est la tablette MPMAN de 8 Go à 49,90 euros, dont 30 centimes d'éco-participation. Inutile de résister. Une tablette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Sorry, je me marie. Du lundi au vendredi à 19h45 sur NRJ12. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre en compétition leur enterrement de vie de jeune fille. Elles ne se connaissent pas, mais ce jour-là, elles ont accepté de se faire noter par les autres. Surprise et confidence, elles sont loin de se douter que leur futur mari les observe aussi. Avant le jour J, tout est permis. Enfin, presque. Sorry, je me marie. Du lundi au vendredi à 19h45 sur NRJ12. Banzai Noodle de Lustre Cru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustre Cru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Merci d'être avec nous, j'espère que tout va bien de votre côté. Tout à l'heure, vous allez découvrir en vrai celui que vous avez entendu tout l'été avec sa copine. I love you, I hate you. C'est beau. Je t'aime, je te déteste. Oui, mais on s'en fout. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait du chien? On va chez ta mère, connard. Il sera notre invité tout à l'heure. C'est bon ça, non? Qu'est-ce qu'on fera entre les deux? On fera le vaut mieux avouer. Oui. Le vaut mieux avouer. Après Sib. J'ai attendez, je peux le regarder moi? Parce que moi je suis... Moi je suis dans la... Dans les... Il y a que toi qui l'a un peu le coup. Ce serait bien que tu joues un jour. Ouais, non, mais là, ouais. Je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un mot du médecin. Ah ouais. Vendrophobe. Et nous aussi, hein. Vendrophobe. Ah, d'accord. Ah. Le vendredi, je. On mettra le jeudi, je peux rien. Oui, bah, ouais, mais là, on est vendredi. Ah, il change, celui-là. Il change. Il change. Il change. Il va pas te plaire. Ah, ouais. Mais change. C'est étonnant. Il va pas te plaire du tout. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Sib. Sib, ouais. J'adore ce morceau aussi. C'est bien. C'est tout calme, hein. Pas si, fou. C'est bien. C'est bien. Sibi. On est sur NRJ, on est vendredi soir. Et une bonne semaine grâce à vous. Allez voir nos vidéos sur notre chaîne officielle, Koé officielle, sur YouTube et tout. Il y a plein de conneries, ça cartonne. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Don't try your heart, baby. petite, une grosse travailleuse. Non, non. Non, au lieu d'avoir une petite travailleuse, une grosse travailleuse. Non, au lieu d'avoir une grosse travailleuse. Non. Non, une petite. Coué, 19h, 22h, sur Énergie. Premier avoir. Pour le faut bien avoir un truc qu'on a raté les JO. Oh les JO, on a raté les JO. Ouais, c'était bien. J'ai bien aimé. Alors, s'il y a bien un truc que je n'ai pas regardé du tout, c'est les JO. Je m'en doutais un peu. Je m'en cogne, mais alors d'une force. Oh, la natation synchronisée quand même. Non, oui. Mais voilà, mais je me suis pas réveillé la nuit pour aller regarder les JO. Qui a regardé les JO dans le public? Ah oui, ouais. Bah, un truc de bonhomme. Il y a que moi que ça intéresse pas. Mais non, t'as des trucs genre le tir, c'est à mourir de rire. Il se passe rien. Il se passe rien, mec, mais il se passe rien. Non, moi, c'est, moi j'ai découvert un sport. C'est le sport, vous avez vu ça sur une piste inclinée en bois. Où ils suivent une petite mobilette. Vous l'avez pas vu ça? Non. Ah, vous avez pas vu c'est ce sport? Du vélo de piste. Ça, non, c'est un sport japonais. Mais c'est le keyring. Ouais, c'est-à-dire que tu suis en fait une petite mobilette qui fait 3 tours, t'as pas le droit de la dépasser. C'est génial ça. Elle accélère, ouais. Puis à un moment donné, elle sort et là t'as 2 tours. Pas 3, t'as 2 tours ça, pour tracer, ouais. Pour tracer le... et tu ne peux pas t'arrêter, t'as pas de frein. Non. Et si la nana, par exemple, moi j'ai vu un truc de nana, les meufs, elles se sont vautrées, elles se sont arrachées les combinaisons. Elles se brûlent, hein, dangereux. Et elles pètent la piste. La piste, elle était pétée parce que c'est du bois tendre, ils sont obligés de réparer avec du scotch. Non, à mon avis, c'est le sport. C'est loin d'être chiant du c'est génial comme. Non, c'est mortel le. Bon, pour l'instant, puisque nous avons raté les JO, oui. Vous le savez, le principe va être de la constante. Il y a toujours une constante dans le vaut mieux avoir. C'est vaut mieux avoir ou l'autre. Ouais. Eh bien, le c'est sucer une médaille en argent. Alors, comme nous n'avons pas de médaille en argent, j'ai pris une pièce de monnaie qui traînait dans le fond. Oh. Des pièces de monnaie des stagiaires qui est passée de main en main, qui est tombée par terre, qui a des gens du marché dessus. C'est horrible. Non, mais tu sais que c'est là où il y a le plus de microbes au monde sur les pièces. Hein. Je sais. Alors, impossible. C'est vrai? Ah, pour moi, c'est la mettre dans la bouche. Ouais. C'est la mettre dans la bouche, c'est ferme. La mâcher. Pietre. Bonsoir. Bonsoir. Vaut mieux avoir. Ça ou l'autre. Une médaille en argent ou l'autre. Je suis déjà pas bien, moi. Mais la médaille en argent, ça me tente limite, parce que je veux mettre n'importe quoi dans ma bouche, moi. Enfin, alors trop tard, c'est dit, on l'a le son. Il a dit ça à un copain. C'est l'autre bon, fois. Il va tourner dans un club ce soir, ce son. Moi, je peux mettre n'importe quoi dans ma bouche. Mais vas-y, je suis sport, je m'en fous, ça me fait rien, ça, je prends l'autre. L'autre? Ouais. Le water polo. Ah, c'est t'en as fait du water polo? Oui, j'en ai fait. J'ai 15 ans de water polo. C'est de l'eau dans le polo. Oh non, mais sérieux. Mais je fais c'est comment? J'ai rien. Attends, j'ai rien pour me changer. Pour rien. C'est dans le cou, ça va passer. Pas mais en entier, Loris. Ça va passer, ça sèche comment? Enlève ta veste déjà. C'est de l'eau, ça sèche. Voilà. Et non, moi je serais toi, j'aurais gardé la veste parce que ça aurait coulé comme un petit canal. Je rentre en scout. Eh ben justement, il fait une petite fraîcheur. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Attention. Oh, putain, assieds-toi, Non, assieds-toi et parle-moi comme si de rien n'était. Vas-y surtout, reste décontracté. Oh mais non, ça va couler partout. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Raconte-moi tes vacances. Après, arrête. Et après on dit que ça suffit. Ça suffit. Julie, vaut mieux avoir à sucer une médaille en argent ou l'autre. Ah là là là là là là là là là. D'un côté, je serais la première à la sucer. On l'a aussi, celle-là. Ou l'autre. Vous êtes cons. Et je peux pas sucer quelque chose que je connais pas. On l'a aussi, celle-là. On la garde. D'accord, ça en fait beaucoup, hein. Fait beaucoup. Alors, de dossiers. L'autre. Oh, mon Dieu. Le lancer de poids. Qu'est-ce que c'est que le lancer de poids? C'est simple. Tout le monde se met des petits poids dans la bouche et te les crache au visage. Ah, non. Ah c'est bien. Pietre, les gars, vas-y, non, mon Pietre. C'est un manque de respect. Ah, ouais, je sais. Mais c'est un sport. C'est un sport olympique. Il y a avant-il. Ah, non, arrêtez. Pas dans les cheveux, les gars, s'il vous plaît. Tu l'as aussi, celle-là, ou pas? On va faire mieux. Attention. Attention. Je vais me mettre là, parce que sinon. Par contre, je vais essayer de faire un petit boomerang. Il faudrait que j'essaie de filmer de près. Non, soyez pas trop loin. Si c'est trop loin, je peux voir les petits poids. Ah là, attendez, bougez pas. Attention. Quoi? Les mains, Julie, on ne bouge pas les mains, on ne protège pas son visage. Et dès que je dis à gauche, je vais faire 3, 2, 1, 0, pas avant. 3, 2, 1, 0. C'est très très beau, hein. Oh, c'est des petits pois, enfin, je voulais pas les écœurer. C'est des petits pois plus bons, en plus ils sont avariés. J'en ai pris aussi, hein. Alors, c'est des Williams, ça se saurait. Ah, tu l'aimes ce jeu, hein. Il n'y a pas de serviette, là. Mais non. Guéguette, vaut mieux avoir une médaille en argent à sucer ou l'autre? C'est B. dégueulasse. Non, je prends l'autre, je peux pas faire la médaille. L'autre, ah, du marathon. Oh, c'est quoi le marathon? C'est presque comme du marathon, sauf que tu te fais marave par un ton. Oh, mais non. On l'a le morceau. Attention, voilà, il est là, il est là, il est frais. Oh, qu'il est frais, mon ton. J'y vais, je fais quoi? Ah, tu le fais, ouais. Fais-toi plaisir. Ah, c'est quoi comme poisson? C'est du thon. Mais arrête. Oh, enfin, c'est du truiton. Tu vois, ça pue. Ah, ça pue. Ah mais ouais. Non. Ouais, c'est, alors finalement c'est un bébé ton. Attends. Ah. Ah, celle-là aussi, je suis un bourreau, excusez-moi. Il y a des moments, il y a des trucs à ne pas rater. Le mec, dans la il vie. Fait que ça. Guiguette, un peu plus de 3 quarts, je veux voir la tête de Guiguette. Ah là. Attendez. Pareil, à go, hein. Pareil, qu'est-ce qu'il y a? Attention, à go, c'est prêt. Guiguette, rapproche-toi. Attention. 3, non, à go, hein. Enlève ta main, les mains sur le corps. Les mains sur le corps, Guiguette. Les mains sur le corps. Eh, hey, c'est pas un piranha. Guiguette, les mains sur le corps, comme moi. À go. 3, 2, 1, go. C'est beau, putain, sans déconner, c'est beau. Ça fait des bons moments. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Viser au ralenti, c'est pas mal aussi en vidéo. Et vous pouvez pas les faire en ralenti? C'est ce que j'étais en train de dire. Mais oui, bien sûr, en rajoutant les... C'est que le... Regarde la date, regarde la date. 2002. En l'autre. Oh, trop tard, tu fais. Ça fait 14 ans qu'il a pris l'autre. Il a pris l'autre. Ah, il a pris l'autre. L'autre, ah, c'est du VATT. C'est quoi? Du VATT. Du VATT, c'est quoi? C'est comme du VTT, mais en fait, tu vas têter un truc dégueu dans un biberon. Alors... Ah, regarde ça! C'est quoi? C'est pire, en plus, c'est lui-même sait ce qu'il y a dedans! Non. C'est quoi? C'est quoi? Du viandox, du tabasco, oh, des flocons d'avoine, du sucre, un peu de tout. Ah, viandox! Ah, allez, viandox, mon pote! C'est pire! Allez, hé! Hey, secoue un peu! Hey, bon, je veux voir la bulle qui remue, hein, fait, secoue pas trop! Hein. Je veux voir la bulle qui remonte, hein. Preuve que t'as tété! Hein. Allez, tête! Allez, on y va! Imagine, enlève ta main, enlève ta main, on veut bien voir! Voilà, voilà! Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bulle. Oh là là. Oh là là, c'est quoi? Tu sais ce que je ferais, moi? Ouais, ouais. Je couperais le bout de la tétine. Oui. Hein? Si on faisait ça, il y a des ciseaux? Tu peux enlever la tétine. Non, il y a la sécurité. Dévisse-la. Il y a une sécurité. On est pas prêts, les mecs. On voit le papa. Ouais, parce qu'il y a une sécurité. Voilà, regarde. Voilà. Ah, il y avait le bouchon. Ils sont cons, non? Non, attends, ils ont même pas enlevé le bouchon, quoi. Attends, tu vas voir, c'est moins bon maintenant. Allez, on y va. Allez, ouh, c'est pas bon. Oula. Ça va pas l'air bon du tout. C'est Stouff qui aurait dû faire celui-là. Mais Stouff va l'essayer quand même. Stouff, viens. Non, non, non. Viens l'essayer. Elle a dit l'autre. Viens voilà. L'essayer. Stouff, elle joue à toi. Elle a direct les trucs, la pauvre. Viens l'essayer. L'autre, c'était le même. Voilà. Allez, viens. Et on terminera par Margot. Voilà. Notre réalisatrice. Allez, ouais, cul sec. J'aime bien parce qu'elle essaie de rester digne. Ah, réussi, bravo. C'est pas vomi. Ouais, le poisson, est-ce que tu peux le sentir? Attention, la dernière, c'est pour Margot. Et est-ce là, que tu vas entendre derrière. Est-ce que tu préfères sucer une pièce de ou 2002. L'autre? L'autre. Elle est joueuse, Margot. L'autre? Oui. T'es sûre? Ouais, certaine. La pièce, c'est mort. T'es sûre? Ouais, tu peux me faire tous les autres en même temps si tu veux. Les scream. C'était pas un ice cream, c'est comme l'escrime, mais c'est avec un ice cream et dans la gueule. C'est l'escrime. Allez, vas-y, tant pis pour. Elle a des vêtements, tu voulais pas lui. Pourquoi tu voulais absolument le faire? Attention, écarte-toi de la console, on va te remplacer immédiatement. Qu'est-ce qu'on écoutera après, Julie? Tu te secoues pas après. T'appuieras sur le bouton. On aura Claudio Capéo. Voilà, tu balanceras Claudio Capéo, tu te débrouilleras. Tu pointes, hein, bien. Attention, non, le chocolat, mais vous voulez pas quand même mettre un truc pour protéger son pull? La main en arrière. Parce que c'est pas qu'il est très beau, mais. Voilà, regarde, il est vintage, il a appartenu à quelqu'un de mort. Voilà. 3, attention, une touche. Une touche. Attends, je vais faire un boomerang. Attends, je suis lancé dans les même moment. Elle est en plein kiff là. Je suis chaud. Dès que je te dis go. Attention, 3, 2, 1, go. C'est très très bien. Non, il y a des gens qui travaillent. Maurice, il y a des télés. Il va falloir que tu arrêtes cette habitude, Margot, quand quelqu'un te fait un truc, la surenchère. Voilà. Faut arrêter ça, la surenchère. Elle est joueuse, elle a raison. T'es pas sur Rire et Chanson, mais c'est sur Énergie. Et à un moment donné, première Radio de France, on arrête les. C'est d'accord. Allez, écoute-moi, Claudio Capéo. Il a changé de chanson ou c'est la même? Non, c'est la même. D'accord, il change jamais en fait. Non. C'était le tube de l'été. Toute l'année, c'est. Et si je m'endors, me réveillerai toute l'année. Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fait... fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'en que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Seconde de silence quand on est jeune et qu'on porte un prénom de vieille, c'est très dur. C'est ce qui arrive à Louise qui est au téléphone. Ah, bonjour Louise. Ça va Louise. Ça va Louise. C'est pas Geneviève. Ça va. Ça va bien. Ça va, Louise. Ce serait Raymond. Oui, ouais. Mais Louise. Louise, ça c'est va. Trop mignon. Louise. C'est intemporel. Ouais. C'est intemporel. C'est plus un vieux prénom qui revient à la mode qu'un prénom jeune. Bah oui. Ouais, mais c'est trop mignon. C'est Loulou. Chloé, je te rappelle que dans ton sketch, c'est en appareil des prénoms pourris. Oui, je sais. Oui. Le nouveau spectacle. C'est un super bel hommage à mon fils. On en parle des prénoms pourris. Ouais. Gaspard, oui, c'est on vrai. On va pas parler de ça. Ouais, mais en on plus, a pas dérivé. C'est vrai, on en parle beaucoup. Si vous voyez le nouveau spectacle, on va passer par chez vous bientôt dans le nord, un peu partout, dans le sud, partout. Il y a un truc sur les prénoms. Malouise, tu vas bien? Oui, ça va, bon, nickel. Je m'appelle Louise et je vous écris parce que je me pose plein de questions depuis que mon homme est rentré de vacances. Il est parti une semaine en Espagne avec ses potes. Ils étaient quatre mecs. Sauf que quand j'ai pris ses affaires sales pour les laver, j'ai retrouvé une capote dans ses vêtements. Ah. Du coup, j'ose pas me dire qu'il a pu faire des choses avec une autre fille que moi. Ah non, la capote, elle était là par accident. Enfin, c'est... Mais c'est pas parce qu'il y avait une capote qu'il a fait quelque chose. Bah c'est une preuve de rien. Il a pu en emmener une au cas où. Ou alors, c'est qu'il avait peut-être une boîte de 12 et c'est la seule qui reste. Non, mais j'ai entendu qu'il y a eu une tempête de capote en Espagne cet été. Alors, oui, il a raison. Il y a des tons qui est tombé dans sa valise. Ça arrive une fois tous les 1000 ans, il y a une pluie de capote. Ouais, des fois, il y a des requins qui tombent du ciel. Ils ont fait un film et des fois, il y a des capotes. C'est hallucinant. Sharkado, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pourri ça. Shark Attack. De quoi vous parlez là? Oui, le mec il est buté à la tronçonneuse en plein air. C'est une vanne en fait le film. Ouais. C'est pourri, c'est un film où il pleut des requins. Des capotes, des requins. T'as jamais vu ça? Non. Ah bah faut le voir. Shark Snado, c'est pas ça? Dans quelqu'un connaît le titre exactement? Mais il y en a eu deux, je crois. En plus, ah, jeune homme, premier rang? Sharknado, merci, c'est Tornado et voilà. J'ai compris. Bon, et alors, pourquoi t'as des doutes? C'est pas parce qu'il a une capote. Je sais pas trop si je dois lui en parler ou quoi, parce que sans savoir si vraiment il a fait quelque chose. Bah, il t'a rien dit. Ben, si le mec, il parce est parti fois, avec des capotes. Boîte, des fois, en boîte, on en donne. Là, dernièrement, j'avais été en boîte et puis justement, ils en ont donné. Bah voilà. C'était les soirées Jacques et Michel. Mais ça peut être ça. Ouais, mais elle était usagée. T'as fait une soirée Jacques et Michel. C'est tellement classe. C'est tellement classe d'aller dans une soirée Jacques et Michel. T'as fait ça c'était... Moi, j'ai fait. Non, j'ai fait une soirée Jacques et Michel. Ouais, elle dit elle. Ah, fait une soirée Jacques et Michel. Mais non, ça existe. Bien sûr, ils vendent ça en discothèque. Mais, oui. Mais non. Ils sont dégueulasses. Les mecs. Ah. Pardon, j'ai vu des photos la dernière fois dans un club où ils avaient fait une soirée Jacques et Michel. Bah là là là là là. C'est horrible de faire ces soirées. Ouais, je suis pas tombé, peut-être pas tombé sur le bon jour. Ils étaient peut-être pas les bonnes filles. Mais alors, mais c'est quoi en fait, soirée Jacques et Michel? Il y a juste les stripteaseuses qui dansent. Ouais, mais c'est plus chaud, c'est plus chaud que ça. Ah, il se passe des trucs. C'est plus chaud que ça. Ça a pas de pénétration. Ouais, les machins, ils peuvent pas, ils ont pas le droit. Mais c'est plus chaud que ça. C'est plus sale. Et puis ça fait pas rêver. Tu fais quoi ce soir? Je vais faire une soirée Jacques et Michel. Bah oui, mais ça, les patrons de boîte, ils ont compris après que de faire une soirée Jacques et Michel, c'était pas très bien pour l'image. Bah, c'est rigolo pour le nom, quoi. Mais après. On a entendu le 30 secondes, hein, parce que t'as oublié d'appuyer sur le bouton. Hein, donc on a appuyé, on a entendu le 30 secondes. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, dans un instant, on revient, Louis. Si tu bouges dans pas, on 30 secondes, d'en parler. Apparemment. D'accord, dans 30 secondes, parce que comme notre réalisatrice l'a dit, mais d'appuyer sur le bouton. Donc t'as entendu 30 secondes, connard. 30 secondes. Bouge pas, ma belle, on en parle dans quelques minutes. Mais moi, je penche vers le. Il a quand même niqué peut-être un peu à côté. Non, c'est un indice. Arrêtez vos conneries, vous partez pas avec 4 potes en Espagne, tu retrouves pas une capote où il s'est rien passé. Enfin, Julie. Si elle était là, la capote, c'est qu'elle a pas servi déjà. Oui, en plus. Ah, mais ce que je te dis, c'était peut-être une boîte de 12. Ah, hey, on en parle juste après. Match en laser. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I will still be patient.

when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Slide out. Rally stripes, send me 500, bye-bye. Vous découvrirez le morceau si vous ne le connaissez pas. I love you. Ah non, I do. Ah merde, pouf pouf. I hate you, I love you. I hate that I love you. Je sais pas ce que je veux. Je t'aime. Je sais plus, je me souviens plus si j'ai niqué en Espagne ou si j'ai pas niqué. Voilà, c'est ça. Je te jure, mon amour, j'ai été fidèle. Ah, ça colle bien. Mais j'ai mis des capotes dans mon sac. Je me suis dit, pff, on sait jamais. Voilà, Louise. Oui. Ton chéri, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Quel âge il a? Il a 28. D'accord. Il est parti avec 4 copains en Espagne. Quel endroit en Espagne? Barcelone. Évidemment. Évidemment. Et t'as retrouvé une capote dans sa valise. Oui. C'est qu'il est prévoyant. Sachant que ma libido, bah, en ce moment, elle est un petit peu à la baisse. Pourquoi? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Au début, c'était toujours... Ah, c'est fou, ça, hein. Au début, c'est tout le temps. Et puis, à un moment donné, on en a marre. Ouais, c'est plus aussi fougueux qu'au début. Hein. Ouais, c'est même beaucoup moins fougueux. Mais c'est triste. Même on se fait chier. Ah, c'est normal. On se fait chier, le mec, non, c'est lâche. Mais oui, bien sûr que oui. Arrêtez cette hypocrisie. Les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, qui disent c'est comme au premier jour, mais arrêtez, c'est faux. C'est jamais comme au premier jour. Au début, tout le monde a l'excitation. Et au bout de 3 ans, cette excitation, elle retombe. Ça peut être sympa, ça peut être mignon. Avec la même personne toute ta vie. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis que ça peut être sympa, ça peut être mignon, mais c'est moins bien qu'au début. Ce sera moins foufou. Ce sera une fois tous les 15 jours à la va-vite. Mais non, faut arrêter les conneries, c'est pas vrai non plus, ça. Bah, heureusement que tout le monde ne nique pas une fois tous les 15 jours. On est au bout de 3 ans mais de vie commune. Je vais te dire un truc. Je pense que quand je dis une fois tous les 15 jours, je suis bien au-delà de la réalité. Il y en a, mais en moyenne, arrêtez les conneries. En moyenne, je pense qu'il y a beaucoup de gens. C'est un bon exemple. Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine? Ça va faire 5 ans. Alors. Bah, la dernière fois, c'était il y a 6 mois. Et c'est quand elle n'était pas là. Donc je te laisse. Non, mais en vrai, c'est quoi la moyenne? Ça va encore. Deux par semaine, quoi. Deux par semaine. Tu vois, au bout de 5 ans, c'est quand même beau. Au début, c'était tous les jours. Et voilà. Mais on n'habitait pas ensemble. On en reparle dans 5 ans. On verra. Mais c'est encore quand c'est encore bien quoi. C'est pas à la papa quoi. Il y a ton téléphone qui sonne. Ouais. T'as intérêt à dire que c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on lui dit à Louise? Il faut qu'elle s'inquiète ou pas? Moi, je pense pas. Ça se trouve, c'est effectivement une capote qu'il a eue en boîte ou un pote qui a filé, machin. Mais ça, c'est l'excuse qu'il va lui dire. Mais non, c'est pas la réalité. Il y a plein de mecs qui partent avec des capotes en se disant, bon, voilà. Mais c'est pas parce que le mec, il a une capote dans sa valise qu'il a fait quelque chose. C'est pas bien dans le sens où le mec, il s'est dit, peut-être que là-bas, au cas où. Mais rien que de faire une bise à ta nana et de barrer avec une capote, c'est déjà quasiment pire que si tu le faisais. Ouais, mais c'est pas. Oui, mais ça veut pas dire. Ça veut dire que tu. Non, parce que moi, je préfère. Genre demain par exemple, ma nana me dirait écoute, il s'est passé une connerie, j'étais bourré, il y a un mec, c'était chaud, j'ai fait une connerie, ça a duré 20 minutes, j'ai stoppé pendant le truc, mais voilà. Ouais. Et ben, je préférerais ça que ma nana qui dit rien et qui commence à acheter sa boîte de capotes des semaines à l'avance pour bien la mettre dans son sac, bien préparée en disant je vais niquer. Ben, je trouve pire le fait de préparer la capote en disant je vais le tromper que d'avoir une soirée accident comme ça peut arriver, c'est possible. Ouais, mais s'il n'a pas utilisé. Bah moi, je trouve que le fait de l'avoir préparé, c'est pire que de le faire. Ouais. Mais peut-être qu'il a gardé pour un copain lui qui avait c'est la même chose. C'est la même chose qu'un accident où tu tues quelqu'un parce que sous le coup de la folie momentanée, machin. Voilà, que de préméditer des semaines à l'avance que tu vas faire ça et puis tu vas. Je trouve ça pire. D'ailleurs, c'est, bah, c'est, jugé, pire, ouais. c'est jugé plus durement. Oui, oui, et bah, je trouve que c'est pareil. Je trouve que préparer sa capote que tu mets dans ton sac discrètement parce que tu sais que tu vas niquer de l'espagnol. Non, peut-être pas. Tu te dis. Mais tu pourquoi tu ne dis pas peut-être qu'il voulait aller faire une tournée dans le désert espagnol et qu'il voulait s'en faire une gourde. Mais non, c'est très bien pourquoi tu mets des capotes. Non, mais par contre, présente-lui. Dis-lui que tu l'as trouvé. Moi, je pense qu'il faut que tu la joues décontracté en disant dis donc, c'est traîné dans ton sac. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as encore niqué tes putes espagnoles? Et là, tu checkes son visage. Tu vois, et là, regarde bien les premières secondes ouais, de sa tête. Ouais, s'il a rien à se reprocher, il fera. Bon, alors, je comprends pas ce que ça fout. Mais après, là-dedans. Je me dis, s'il a rien à se reprocher, il l'aurait caché ou quoi que ce soit. Non, s'il a rien à se reprocher, il dira, oh là là, c'est tombé là-dedans, on s'en fout. Hop, tu le verras tout de suite. S'il a quelque chose à se reprocher, il fera. Comment mais tu fouilles dans mon sac? Je préfère m'en aller. Voilà. Non, mais tu vois, je pense qu'il faut que tu regardes comment il va réagir. D'accord. Mais toi, t'es déjà de son côté, hein, puisque t'es déjà en train de dire que c'est peut-être quand il l'a eu en discothèque. Donc, oui, bah laissez-toi. Il va te retourner le cerveau rapidement. Je me fais plein de scénarios et j'essaye de comprendre. Oui, bah comprendre. Bah, je vais te dire un truc, je cherche pas trop. L'explication, à mon avis, elle est rapide. Hein. Rappelle-nous bon. Pour nous dire ce qu'il a dit justement. Oui, et s'il a une excuse de folie, tu nous l'as dit aussi, ça pourra servir. Oui. Je te fais un bisou. Je t'embrasse, Louise. Bisous, ma chérie. Ouais, bisous. À bientôt, bon week-end. Tu vas faire quoi ce week-end? Tu sais ou pas? Je travaille, je suis en vacances à partir de. Bah c'est bien, tu vas kiffer alors. Allez, vas-y, dernière ligne droite. D'accord, ouais. Avant de bosser. Bisous, ma belle. Bon courage pour ceux qui vont reprendre lundi, parce qu'il y en a certains qui reprennent que lundi. Oui. Donc, bon courage à vous. Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society, all this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire, like who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. Been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fam, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload. Load up, yes I reload up, I know what up, I know what up. I told you, take my hand through the flame. I told you, I'm a slave. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't on fresh shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Les vacances sont terminées, mais je suis tellement content de reprendre le taf et de vous retrouver. Hashtag Jingle Mytho. Yeah, yeah. Koé, 19h, 22h, sur Lyon. On est avec ce garçon que vous entendez tout l'été chez nous, vous ne l'avez pas pu le rater. Hein. Il s'appelle Nash. Il y a un G mais qu'on prononce pas. Hein. Oui. En théorie, ça se dit Nash. It's Nash, it's not Gnash. Yeah, no, Nash. Nash, silent Nash. G. Nash, pour, le G pour Gareth, parce que c'est son vrai prénom. Voilà, exactement. Gareth Nash. Oh, Elsa! C'est Kim Kardashian. Do you know Kim Kardashian? Yeah, she's right here with us. She's translating for me today. I brought her all the way over from Calabasas. Il a dit quoi? Qui m'a ramené de Calabasas? J'adore. Kim Kardashian sans filtre. C'est le plus beau compliment que tu peux lui faire. Elle est fan de Kim. C'est la version sans tous les filtres Kim Kardashian. Voilà. No filter, Kim. Bon, bienvenue, madame. Ça m'a fait plaisir. Les vacances étaient bonnes? Oui, tout à fait. Est-ce que les vacances? Arrêtez de maigrir, par contre. Est-ce que les? Oh, je vous emmerde. Non, mais vous êtes beau. Je vous êtes beau. C'est fou. Excusez-nous, bah, oui, explique-lui. He's lost a lot of weight, so now he's like. Oh, congratulations, congratulations, so I said, man. Stop losing I'm weight. Working on that too. Il essaye aussi lui, hein. I've been eating good. Il essaie de manger sainement et tout. Moi aussi, j'ai yeah, jamais. Him too. Jamais, him mais too. Jamais, jamais. Bon, alors par contre, Gareth. Qu'est-ce qui se passe? Here comes. Avant qu'on se fasse le titre en live, il faut qu'on se parle d'un truc, Gareth. He has to talk to you about something, Gareth. Okay, let's talk. On peut tous dire parce que je pense qu'on va être amis. You guys are going to be friends, so he can be honest, right? Yeah, yeah, sure. Well, il a un les, peu peur. Les lunettes, bon look. He likes the glasses. Thank you. La chemise sur toi, the shirt, bon look. Not that much. You don't like the shirt? No, yes, he does. Sur toi, c'est bien. On you, yes. On me, you wouldn't wear it. Toi, tu la porterais pas la chemise? Non. Okay, got it. Well, I did the grapes because I there's so much great wine here. I thought it was appropriate to wear the grapes. Oui, c'est un petit peu hommage au vin français, les raisins sur la chemise. Non, mais c'est très bien. Non, mais okay, good. All right, you appreciate. I'm over here defending it. You know what I'm saying? Like me, but me. Okay. Tu sais de quoi je vais parler? Je sais moi. You know what he's going to talk to you about? No. Les sandalettes avec les chaussettes. Ah, the sandals with the socks. Ah, j'avais pas vu. Oh yeah, yeah, yeah. All right, so I did a festival. No, that's how you wear these. This is how you wear these slides. You wear them with socks. Ça se porte, hein. I'll put them up proud. That's voilà. No, and they match my shirt too. En plus, I came ready. C'est assorti la chemise, mais il y a des canards jaunes dessus. No, I did a festival where my Converse got muddy. So I had il a fait to wear un festival these. Et ses Converse se sont un peu abîmés avec la boue, donc il a dû mettre celle-là. But if you don't wear socks, you get blisters. Ouais, et si tu mets pas de chaussettes, t'as des ampoules en fait. Eh oui, Jésus a beaucoup souffert de là. Hein. Yes, oui, Jesus suffered a lot because of that. Mais c'est des sandales Gucci, hein. C'est pas pareil. Ouais, ouais, oui. Ah oui, c'est de la. Ah, oui, mais ça reste des sandales. Bon, en tout cas. What are you wearing? Wait, hold on. What shoes et you toi, have on? Tes chaussures. Oh, très classique aujourd'hui. You wearing dress shoes? Very classic. Très classique. Oh, okay. Oh, I like the laces. See, I'll compliment you. So you got nice red laces in your shoes. Alors, I really toi, like those. And you look great. I'm so proud of you for losing so much weight. Et see how positive toi, that was? Tu vois comme il est gentil? Il est très sympa. Alors je l'ai dit qu'on allait être amis. You're very nice. He likes you. J'ai dit qu'on allait être amis. He told you you'd be friends. He likes you. Yeah. Bon, en tout cas, c'est le premier single celui-là alors. First single, right? Yeah, yeah. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans sa vie? What were you doing before? DJing and DJ en fait. Yeah, and chilling at home and going to college. I went to USC in California. So. Elle est à USC en Californie. Il était chez lui. Voilà. Yeah. DJ en club, DJ en quoi? DJ in nightclubs or where? Like house parties, sometimes des soirées like privées. Club kind of stuff, but usually just fun stuff. Des trucs sympas quoi. Oh, ça devait être bien. Ça a cartonné, hein? Plus de 40 millions d'écoutes sur SoundCloud, 90 millions de vues sur YouTube, 284 millions de fois téléchargées sur Spotify. Wow. Wow. Downloaded 284 million times on Spotify. Thank you. Thank on se racheter des nouvelles, nouvelles sandalettes. You can buy new sandals. Yeah, hey. Well, these are Gucci. These are new. Ouais, mais celles-là, elles sont nouvelles et c'est Gucci. Ah, voilà. Ah, tu vois, voilà. Vu ce que ça ramène sur Spotify, je pense qu'il faudra encore 300 millions de fois pour qu'ils achètent des Converse. Oui, c'est vrai, ouais. Yeah, now you're going to have to buy new Converse with 300 million views yeah, exactly, on exactly. Another 300 million, I can get a new pair of chucks. Bien voilà. Anglais. Moi, j'essaye. C'est fantastique. Cette chanson s'appelle I Love You, I Hate You, Je t'aime, je te déteste. Ouais. Le principe est simple, des gens de cette équipe vont te dire une phrase. People from the team are going to tell you a sentence. Okay. Si tu aimes ce qu'ils te disent, if you love what they say, yeah. tu leur offriras, donnez le stock, donnez le stock. Une rose. They get a flower, they get a rose. Okay, all right. Okay, attention, c'est little game. I love it. Attention, ça pique. Donnez-lui. Quelqu'un peut lui donner. Faire le tour. Watch out for the thorns. Ne bouge surtout pas, Loris. Hein. Tu risquerais d'avoir un claquage. Parce que tu travailles très, très. Une crampe. Mais il a même pas fait le tour, là, en plus. Hein. Il y a un festival. You left the thorns on him? T'as laissé des épines, quand même. Oui, alors c'est des vraies roses. Hein, yeah. C'est vrai. At least they're real ones. Yeah. Si par contre, tu n'aimes pas ce qu'elle te dit. If you hate what they tell you. Okay. Tu devras leur donner une tapette à souris comme ça. Ooh, you have to give them a mouse trap. Like. Ils devront tendre et mettre la main dedans. And they're gonna have to put their hand inside. I would not make nobody do that. Non, ça ils veulent pas le faire. Si. Tu donnes. Yes. Ils s'inquiètent, t'inquiète pas. Just give it to the person and they'll do it. Yeah, right. Je donnerai. He'll do it. Il suffira que tu dises. I'm gonna do it to you. Suffira que tu dises. My socks. Il va se le faire parce que tu t'es foutu de sa gueule de ses chaussettes. Tiens. Tiens comme ça. Non mais laisse tomber. On va faire les stagiaires les distribuons. Ah on y va. Attention, Julie ici présent. All right. First question, Julie. Okay. Adore ta chanson. She loves your song. Oh, thank you. I love that. Thank you so much. You get a rose for that. That's what you have to say. Merci. That's beaucoup. It. I was expecting something vicious. That was so kind of you. Thank you. Beaucoup plus vicieux. Ah, et c'est vrai que j'adore. Pietre n'aime pas du tout ta coupe de cheveux. Hates your haircut. Hates my haircut. Yeah. I love that though because you were honest. I appreciate it. Il a une rose. Il a une rose. Honnête. Voilà. Merci. Giguette. You got it coming for you. Just wait. I got you. Coco, attends, ça va Giguette. Venir. Giguette right here. Sens mal. Il kiffe ta chanson. He likes your song. Mais que quand c'est la fille qui chante. But only when the girl sings. Only when the girl sings? Yeah. I love that because that's still 50% of the song. You still had to buy it to listen to it, didn't you? Oui, so t'as it's quand all même good. Dû acheter la chanson. C'est quand même 50% hey. La fille. Oh, yeah. Donc c'est bon, il aime. Une rose. C'est gentil. Pietre. Faut faire le tour. Pietre trouve que les paroles sont un peu niaises. Thinks the lyrics suck a little. Really? Yeah. Oh man, I don't love that at all. But you guys are just trying to give me the mouse trap, aren't you? En fait, tu fais tout pour qu'il donne le truc à la souris, quoi. Oui, il veut jamais rien pour lui, dis-lui. Hein. Allez, démonstration. Comme ça, là. Ouais, enlève ton truc. Démonstration. C'est fatal aux souris, donc ton petit doigt, il doit morfler. Was that a real reaction? Did it really hurt? Ça fait vraiment mal? You wanna try? No. I guess the answer is yes. Julie. Okay, Julie again. Trouve ton clip trop stylé. Thinks your video is very stylish. Oh, thank you so much. What? You're over here with all the compliments. Thank you. Watch those thorns. Don't get hurt. I'll break off the thorns for you on the next one. You're going to get this one too. Yes. Et Julie. And Julie again. Allez. A piraté ta page Facebook. C'était trop beau. She hacked your Facebook page. You did? Oui, mais pour dire que je l'adorais. Non. Only to say that she loves you. Oh, that's so sweet of you. Here, hold on. I'm going to get... I got the thorns off. Elle a traduit ce qu'a dit Julie. Non. Si. Elle a traduit ce qu'elle a dit. Si. Alors qu'elle a mis une photo de Donald Trump à sa place. Elle a dit qu'elle a piraté pour dire qu'il l'adore. Donald Trump à ta place. They say that she not only hacked your Facebook, but she put up a picture of Donald Trump instead of your profile picture. Oh, I don't love that, but I'm not going to make you get the thorns. Non, alors ça, elle n'aime pas. I know, I want you to do the mouse trap. No, I don't want her to have to do that. She doesn't want it. Mais c'est rien, c'est rien. C'est une cascadeuse. C'est de la torture. Yes. Je peux pas. Allez, vas-y. Comment on l'enlève si ça reste? On opère. Le doigt. Je te pose pas de questions. Laisse bien appuyer. Je te pose pas de questions, Julie. Non, là, c'est là que je m'appuie. Arrête, t'as fait ça, toi. Julie, je vais faire un boomerang. Enlève la rose que je vois bien. Je vais faire un boomerang. Donc il faut que ce soit beau. Et quand je te dis go, tu y vas. Attention. Ça fait mal, non? Mais non, ouais. Mais non. À go, tu y vas. Vas-y. 1, 3, 2, 1, go. Yo, what the hell? C'est très beau. C'est très, très beau. Oh my god, you got a boomerang? Wow. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Arrête, enfin, il y a des invités. Il y a des invités. L'album, on sait, on a des nouvelles. Comment ça va se passer? Is there an album coming out? What's going on? I'm sorry. Il est désolé. You got three roses to make it better. Oui, il dit que t'as eu trois roses quand même. Ah oui, n'empêche, c'est vrai qu'il a été méchant. C'est lui qui a été méchant. Ouais, tu devrais. He's the mean one. He's the mean one. Tu mériterais de le faire. Donc, comme il a été méchant, c'est lui qui décide. You decide if he does the mouse trap. Oh, he absolutely. Yes. I mean, absolutely. Both hands. Two hands. Two hands. Same time. Je vais faire un boomerang. For the two people you made me hurt over here. Pour les deux personnes que t'as fait souffrir, tu le fais deux fois. Mal. Ouais. Ça fait mal. Ouais, ça fait super mal. Regarde mon doigt. Like, does it hurt? Yeah. Allez, à trois doigts. Ah ouais, bah ouais. Go, t'y vas. Au pareil. Top, t'y vas. Je ne le sens pas du tout. C'est vrai, t'es prêt? Les deux mains. Eh ben attends, déjà, je vais les mettre dans le bon sens, ça vous dérange pas? Voilà, je vais mettre comme ça. Je ne vais pas mettre le bout de mes doigts non plus. Je pas... Voilà. Si, en fait, le mets les mains sur le côté. Un. Ouais, non. N'essaye pas de nous arnaquer. Hein. Ouais. Je dis top, t'y vas. Ready? I'm gonna count it down in French, okay? You ready? C'est lui qui fait le décompte. Un, deux, trois, right? Yeah. All right, yes. Here we go. Un. Deux, attends, ok. I'm ready for this. I'm ready for this. In French, we say molo polo. What is that? Relax? Yeah. Oh, that's hard. It's molo polo. Molo polo. It's like take a chill pill. Molo polo. Ça enlevait ta montre comme si ça allait te bouffer le bras. Ouais, grave. Des amis quoi, tu sais. Mais ça fait mal mal. Oui, allez, ouais, ça fait mal mal. Et regarde mon doigt. Regarde mon doigt. Tu t'en es remise. Ouais, mais il est tout rouge. Mais en fait, je pense qu'il faut pas mettre le doigt, je pense qu'il faut mettre la. Mais non, ça fait les doigts. Mais non. I'd say you have to do it with just your pinky. Just hit it with the pinky. Non, je vais mettre ma bite. What happened? Mommy? No, I'm gonna put my dick. Oh, yo, that's like Jackass. Jackass. They did that on Jackass. Ils l'ont déjà fait. Oui, c'est vrai. Allez. Allez, vas-y. J'ai une suée. He's very hot all of a sudden. Ça fait mal, hein. Vas-y. Non, non, mais attention, nous sommes en train de. Are you counting? Ninja. Yeah. C'est lui qui fait le décompte. Deux. Trois. Non. Allez. Ah non. Mais écoute, ça fait pas le. What do you mean, no? Ouais, exactement. Comment ça, non? Je fais mon boomerang là. Chaud, mec. He's too hot. Allez. Allez, à zéro, faut que t'habitues, hein. Vas-y. Trois, deux, un, zéro. Unfaced. Mais c'est pas unfaced. Non, mais c'est sur le petit doigt qu'il faut le faire. Mais t'es sérieux sur les mains? Really? Non, c'est nul. Tu as des mains d'ours. Comment ça se fait que ça te fait rien? Parce que toi, tu laisses la main peut-être. Mais oui, toi, tu laisses la main. Non, je refais. Parce que le petit doigt. Fais l'ongle au bout là. Mais oui, ça m'a pris l'ongle aussi, moi. Et on se fait le titre ensemble ou pas? Are you ready to do the song? Yeah, yeah, let's do it. Let's allez, do it. On y va. Allez, they got bleu. Mouse traps in my seat over there. Or what? Mais vous avez pas mis un piège à souris sur son côté. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu n'as rien à craindre. No, you're good. Tu n'as rien à craindre. T'as eu mal? Faites beaucoup de bruit pour Nash en live. Feeling used, but I'm still missing you. And I can see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out but you wouldn't bite that. I type a text but then I never mind that. I got these feelings but you never mind that. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been?

solo con un beso. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Wesh, écoute Coé sur Énergie, frère. Sur les autres radios, c'est tout pété. Ils sont morts dans le film. Mais c'est de la merde. Coé, 19h-22h sur Énergie. C'est vrai que c'est tout pété ailleurs. Venez chez nous. La semaine prochaine, ça va être une semaine de ouf avec DJ Assad qui sera là. Il y aura bientôt Gad Elmaleh, Kev Adams qui vont venir nous voir. Il y aura Zao qui vient mercredi. Venez dans le studio, venez avec nous, venez nous voir. Coé@energie.com ou public@energie.com et vous serez avec nous. Il y aura LP, vous connaissez ça? Cette voix, elle est belle. Hein. J'ai cru que c'était la petite chanteuse brune qui venait chanter chez nous là. C'était super bien. J'ai cru que c'était Marina Kay, moi. Ouais, ça ressemble. Ouais. Bah, c'est Marina Kay. Hein. Ouais, mais c'est pas elle. C'est pas elle. Je crois que de chez elle, elle se dit Marina Kay, c'est con, j'aurais peut-être dû la chanter celle-là. Ouais. Eh bien, Kinvé va revenir. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit. C'est vrai que c'est Marina Kay, ça, moi. Mais non. Bon, en attendant, ça y est, il y a des Pokémon sexe qui viennent d'arriver. En fait, je vous explique, ce sont des Pokémon qui sont des Pokémon vibromasseurs. Wow. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont repris les couleurs des sexes des Pokémon, ils en ont fait des sextoys. Et plus ou moins la forme. Ouais, la donc forme il y a aussi. Salamèche, c'est celui qui a la petite queue là, qui est. Et ben, ils ont fait le bout en flamme. En flamme, ouais. Il y a le Pikachu. Oh, Pikachu. Alors, je sais pas où il se met, mais il m'a l'air un peu compliqué. Ouais, ouais. C'est une petite boule que tu tiens par l'éclair. Voilà. Il y a l'autre, c'est Carapuce, celui qui ressemble à la tortue. Bah c'est un god avec une petite carapace. Et pas mal celui-là, il est bien. Julie, calme-toi. Elle fait ça comme ça. Parler à voix haute, s'il te plaît. Pardon. Mais il est pas mal à quoi il sert avec sa carapace. Non mais il est plus épais que les autres. Plus quoi. Décoratif qu'autre chose. Ouais. Plus épais que les autres. Elle fait 1m50 de haut, il faudrait lui rentrer un. Non bus. C'est pour que tu puisses mettre une plus grosse pile dedans. Et du coup il te. Non mais sérieux. Et l'autre c'est le Bulbizarre qui ressemble. Alors ils lui ont mis deux bonnes couilles aussi. Au Bulbizarre. Hein. Ouais, il a un champignon au bout. Et ouais, le dessus c'est comme le truc qui s'ouvre à l'arrière de Bulbizarre ouais, là, qu'on voit des. Il y a dans le dos. Des, pas mal celui-là aussi. Tu les veux ou pas? Ouais, j'ai bien. Et c'est des sextoys, ça se vend aux États-Unis, non? Ça se vend où? Ouais, c'est aux États-Unis. Sur Internet, tu vas pouvoir trouver. Hein. Non, mais le pire, c'est qu'on va être obligé de se peindre les nous. On va se peindre les coucougnettes en blanc et rouge. On va faire des Pokéballs. Hein. Ah bah, obligé, t'es obligé. Si tu veux attraper ta meuf, hop, t'es Pokéball. si t'as pas les couilles en Pokéball, ça ne marchera jamais. Bon, et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui s'est passé tant qu'on parle dans le sexe? Alors là, c'est pour ceux qui veulent fumer des pétards tout le week-end. T'en vois des fois, hein? Tu dis, tu vas faire quoi ce week-end? Je vais me défoncer avec des potes. C'est pas bien, faut pas le faire. Eh ben alors, c'est pas bien, puis surtout, il y a une étude qui est sortie, excusez-moi, oui. Vous allez moins kiffer. On savait que fumer des pétards, ça calmait la libido. Ouais. Mais fumer des pétards, ça peut faire perdre jusqu'à 1 cm de longueur de pénis. Mais non. 1 cm, c'est énorme. Pourquoi? Non. Parce que moins de libido, tu baisses plus, et moins tu te sers de ton sexe, plus il devient petit. Enfin, plus tu te sers de ton sexe, plus il devient grand. Mais non. Donc quand t'es vieux, il est tout petit. Tu verras que c'est une étude. Les mecs, plus vous baisez à un moment donné, parce que vous avez une forte activité sexuelle, bah, votre sexe, il est de bonne taille quand vous vous réveillez le matin et quand vous vous couchez au repos, il est de meilleure taille. Ouais. Et si à un moment donné, vous baisez de moins en moins, bah, il va devenir de plus en plus petit. Il se renferme sur lui-même. Parce qu'en fait, tu ne l'habitues plus ton sexe à être rempli de sang. Donc comme tu ne l'habitues plus, bah, le truc devient de plus en plus petit, comme une éponge. Ah ouais, moins tu la mouilles, plus elle devient sèche, plus elle devient toute petite. Ouais. C'est comme avec le cannabis. Excuse-moi, le zizi, c'est une éponge. Sur soi. Ok. Ouais. Hein, c'est vrai. Et plus il est régulièrement engorgé d'eau, bah plus ton éponge au bord de l'évier, elle est, tu vois. Ouais, elle en peut belle plus. Éponge. Ouais. Belle les éponges les plus chaudes de ta région. Alors que si elle est toute sèche, tu vois, les éponges que t'as pas mis d'eau depuis longtemps, elle est toute rabougrie, hein, avec son petit côté vert qui est tout comme ça. Eh ben bah voilà, c'est ça. D'un autre côté, heureusement qu'on n'a pas un côté vert sur la teub. Hein. Heureusement. Donc plus tu fumes. Alors pourtant, c'est pas logique, parce que les Jamaïcains qui fument plein de pétards. Ouais. Ils sont pas connus pour avoir des petits zizi. Non, je crois pas. Alors que les Coréens, qui sont connus pour avoir un petit zizi, ils sont pas connus pour fumer beaucoup de pétards. C'est vrai, à l'inverse. À mon avis, les Coréens, dès qu'ils rentrent le soir, ils se font des spliffs, mais des trucs. Énormes. 4 mètres. Mais tu le sais pas, c'est comme ça, ça reste à la maison. Passez un bon week-end, on va revenir lundi. Je vous embrasse, allez mater nos conneries, nos vidéos, écrivez-nous. Ah oui, écrivez-nous, suivez-nous, on vous aime fort. Bisous, ciao, au revoir. Sur Énergie. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Bon, comme vous avez compris, normalement, on devrait pas être là dans le jingle, c'est le lundi au jeudi. Mais on prend l'antenne le vendredi, finalement, de 22h à minuit. On est hyper content d'être là le vendredi soir aussi. C'est la première fois qu'on fait un vendredi sur Énergie. Soyez les bienvenus, hein. Guillaume Radio 2.0. On se retrouve dorénavant, donc le vendredi soir aussi. Bonne route à vous. Si vous êtes sur la route ce soir, si vous êtes parti pour sortir ou aller au restaurant, même travailler ce soir, on se fera Soprano tout à l'heure. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me parles, je vais aimer. Vous avez passé une bonne journée tout le monde. Bon courage à vous, j'espère que la rentrée a été bonne. Surtout on devait en parler ce soir parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous avaient écrit hier comme quoi il y avait la rentrée. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison, le standard est allumé par SMS comme d'habitude. Guillaume au message au 6112. Avec Snake tout à l'heure avec Justin Bieber. Voilà, Guillaume au début des textos au 6112. T'es un ouf Guillaume, c'est cool de pouvoir vous écouter le vendredi. Merci d'être là chaque soir à me faire, vous êtes tout de suite doux, merci beaucoup. Merci Fanny du 59, je t'embrasse très fort ma chaîne. Grosse dédicace à Monsieur Houillet, moniteur à la MFR de train 61 en Normandie. Une élève de première, ça fait du bien de vous retrouver après une semaine d'internat. Je vous aime, salut Emma de la team Uplay. Gros bisous à Emma. Tu referas des meet-up cette année. Trop bien de vous retrouver le vendredi. Amandine 27 ans de soir. Ouais, on va venir un peu partout aussi, on va refaire. Je crois qu'on va venir à Saint-Etienne bientôt. Pour un Energy Music Tour, tout ça, je vous donnerai les dates dès qu'on les a. Mais avec plaisir. Ça fait bizarre d'allumer la radio le vendredi, mais c'est cool. Salut Romain, 23 ans de Bourdin. Salut mon Romain. Salut à tout le monde. Si vous découvrez l'émission ce soir, je vous présente l'équipe qui est avec moi chaque soir. Il y a Julien, le stagiaire de l'émission. Ouais, je suis là, c'est Guillaume. Qui est là ce soir, qui a fait le dermatologue pour sa verrue aujourd'hui. Ouais, franchement, elle a 40 euros pour 10 secondes de truc, c'est un peu abusé. Hein. Elle est partie ou pas? Non, toujours pas. Ah, putain, mais ça fait elle a mis du chaud, du froid. Car, hein. Il a une verrue sorcière sur le doigt. Ouais, non, ce que j'ai foutu. Je sais pas, ça fait longtemps qu'il a. Au pouce gauche. Inutile le truc. Ça va, j'aime le standard. Salut Guillaume, ça va au top. Ça n'a aucun intérêt une verrue. Ah, ça sert à rien, ça fait mal, c'est moche, c'est gros. Ouais, ouais, c'est chiant, c'est relou quoi. C'est dégueulasse. Mais bon. Ça fait bizarre d'allumer la radio. Bisous à toute l'équipe, c'est la première fois que je vous entends en direct. Je vous adore. Salut Maud du 39. Bah, gros bisous à toi. Salut. Dédicace au Français de Via qui est dans ma classe depuis cet après-midi. C'est mon poteau, grosse dédicace à toi, mon petit blond. Il n'y a pas de problème, dédicace à tout le monde. C'est trop cool de pouvoir vous écouter le vendredi. Merci d'être à chaque soir à nos fers et tout dessus. Et ben merci pour toutes les salut, dédicaces. Salut. Ça va, Julia? Salut tout le monde, salut Guillaume. Ça va bien la journée, ouais? Ouais, super, génial. Très super. Rien de spécial. Je me suis fait draguer par un petit 8 ans dans le métro, mais ça voilà. Ah, je t'ai fait toucher. Je me suis fait toucher. Et se fait draguer par tous les mecs de 8 ans. Ah, voilà, c'est ça. Très jeune, ça va, JM du Standard? Ouais, ouais, moi ça va bien. Tu dis bonjour ou pas? Ouais, deux fois, c'est moi aussi, il m'est arrivé un truc, mais tu vas pas demander ma mais t'as parce que je sais que t'as nous cassé. Dans le couloir, tranquille. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ouais, tranquille. Salut tout le monde. Bonsoir, tout le monde. C'est Claude François qui parle. Il y a déjà Pokora qui le reprend. Ouais. Flo Décano après lui. Voilà. Dit encore. On va être dans la merde. On va se faire laisser les Kouma juste après. Zao. Qu'est-ce qu'on a escalé d'autre? J'avais dit Soprano, on se le calera avec plaisir. S'il y a un autre morceau qui vous fait plaisir, vous me le dites avec plaisir. Voilà, Guillaume, et j'ai beaucoup de plaisir dans cette phrase. Ah, on est bien, on est bien. Mais parce qu'on est heureux d'être là. Un grand bonheur qu'on se retrouve le vendredi soir dorénavant. Romain, 24 ans du Châteauneuf sur Sarthe. Bonsoir Romain. Là. Il y a des nouveaux jeux, on peut s'attester. Ça va frérot, tranquille ou quoi? Bienvenue Romain. Salut mec. Salut papa. Ça va, bah, vous allez bien? Tiki papa. Tranquille, bienvenue. Déjà passé à la radio, c'est le dépucelage ce soir là. C'est le dépucelage radiophonique là. Oh là là. Ça se dépucelle, Mister. Eh ben enchanté, enchanté mon Romain. Merci de passer un petit coup de fil en tout cas ce soir pour passer. Tu voulais passer deux minutes à l'antenne pour nous raconter un truc. On parlait d'endroits originaux pour habiter, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ma maison, c'est un petit peu limite Fort Boyard. C'est vrai? Pourquoi? Je sais pas si tu vois... Fort Boyard, oui. Bah, c'est connu, Fort, Fort Boyard, sans perfora et sans passe-partout. Pourquoi t'habites dans un château, genre, à l'ancienne? Non, j'habite dans une maison qui tombe en ruine. Ah, merde. Ah oui, merde. Ah, il ouais. Y a des portes, quand même, ah, ça. T'habites dans... Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Explique un peu. Bah, bien sûr qu'il y a des portes. t'es défoncé ou quoi? t'es en train de fumer ou je rêve, Romain? Non, du tout, non. Ah, parce que parfois, t'as un petit air de. Ouais, t'as un petit air de mec qui est en train de fumer, c'est pour ça que je vais te demander. Mais il n'y a pas de problème, écoute, enchanté. Non, je touche pas la cigarette. Eh ben, c'est bien. Mais je croyais que tu fumais autre chose. Ouais, ouais. Je me disais, il a le ton d'un mec un peu. Tu sais, un peu content, quoi. Voilà. D'ailleurs, on va se faire un nouveau truc. Tout à l'heure, on va se faire un petit défi. On pourra te garder, Romain, si tu veux. Je vais en prendre 8 d'entre vous au standard. On va faire un jeu. Ça s'appelle Il ne doit en rester qu'un. Je pose une question sur la ligne 1, sur la ligne 2, sur la ligne 3, jusqu'à la 8. À chaque fois qu'il y a mauvaise réponse, je raccroche en direct sans vous dire. En fait, c'est le logiciel. On appuie sur vert ou rouge et ça raccroche instantanément. Et après, je remonte 1, 3, 4, ceux qui restent, etc. Et le dernier repartira avec un cadeau. Énorme. Donc, ceux qui vont vouloir s'inscrire pour il ne doit en rester qu'un, on va le faire tout à l'heure. Voilà, ça sera vendredi soir. Dorénavant, notre nouveau jeu. On se fera un clash aussi, un clash de la semaine. C'est un petit peu le classico de l'émission. Toujours un clash. Donc, s'il y a l'une ou l'un d'entre vous qui veut énerver sa mère ou son père, on pourra le faire tout à l'heure sans problème. Et alors, t'habites dans une maison tout seul ou avec tes parents, toi, Romain? Je suis avec mes parents, ouais. Ah ouais. Je suis avec mes parents, mais c'est un peu la galère. C'est un peu la galère financière. Alors, si tu mets 5 secondes. Il y a un décalage, Romain. Frérot, faut que tu me répondes plus vite parce que sinon, on va vite se faire. Faut vraiment que tu me répondes quand je te dis. Non, mais ça coupe, ça bug, j'ai l'impression, non? Ah, bah, je sais pas, c'est pas chez nous. C'est toi qui vois, là. C'est pas de notre faute, là. Non, on a du réseau. Si j'étais avec mon portable dans la rue, je dirais c'était de moi, mais là, on a un bâtiment de 150 mètres de haut avec une antenne de 15 mètres sur le toit. On a 5 bars, nous. J'ai la 6G, mon gars. J'ai la 6G. Pardon. De quoi pardon? Qu'est-ce qu'il y avait? T'es espérant. Et donc, raconte alors ta maison, qu'est-ce qu'il y a de problème alors? Non, bah du coup, le plafond qui tombe, c'est un peu la galère quoi. Ouais. Ah, c'est une maison un peu insalubre quoi. T'es un petit peu vraiment. C'est toi qui avais dit ça un petit peu au standard. Je veux dire, c'est insalubre. Est-ce que vous avez déjà habité dans un endroit un peu original? Moi, j'ai habité. J'ai fait 2 mois de camping entre deux maisons avec mes parents dans un mobilhome l'été. C'est l'aventure, c'est bien. Voilà, mais bon, c'était l'été donc ça allait. Mais il y a des gens qui vivent dans les mobilhomes toute l'année dans les caravanes. Même l'hiver, les gitans, tout ça. Enfin, il y a plein de gens qui habitent. Est-ce que vous avez déjà habité dans un endroit? Il y en a qui habitent dans les phares, il y en a qui habitent dans des châteaux. Il y en a qui habitent dans des églises aussi qui ont été dans des cabanes en forêt. Il y en a moins quand même. On sait jamais. Mais Robinson, en fait. Est-ce que ça vous est déjà. Il y a encore plus internet ou je rêve Bah non, tu rêves pas, il n'y a plus internet. JM du standard, mais engueulez-les, putain, les services. Je vais les appeler. Ils habitent où là, les mecs? JM du standard, il fait genre, il envoie des mails la journée, en fait, il écrase ses cousins. C'est pas mes cousins, la technique d'énergie. Mais ça fait 10 fois que tu dois leur dire. Je leur ai dit, c'est Louis tout à l'heure en plus. Mais ils ont dit que c'était réparé. Bah oui, ça a remarché justement. Attends, ça marche plus, ça tourne depuis une heure. Ah bah écoute, parce que moi j'ai besoin de voir vos SMS. Bon, c'est pas je vais mettre avec mon portable pour voir. On partage de connexion histoire de voir un petit peu ce que vous envoyez là. Est-ce que vous avez déjà habité dans un endroit original? J'ai un stagiaire, est-ce que t'as déjà habité dans un endroit original? Ouais, moyen, mon ancien appartement en fait il était un peu vieux et d'ailleurs ils l'ont rasé en fait. Ah ouais, c'était vraiment le dernier. J'ai reçu une lettre du département comme quoi il allait le raser quoi. Quand j'ai un stagiaire habité quelque part, faut mieux le détruire. J'étais le dernier locataire et après ils ont rasé. Le truc qui est contaminé est tombé quoi. Et je suis allé faire un tour, du coup il n'y a plus rien là. Ah bah oui, c'est le but de détruire. Non mais voilà, ça fait bizarre quand t'habites à un endroit et qu'il n'y a plus rien après. Ils l'ont détruit pourquoi alors? Bah je sais pas, c'est insalubre en fait. Pour faire des nouveaux. Non mais c'est insalubre, ça j'ai compris, mais du coup. Tu voulais faire un truc à la place? Ouais, des nouveaux immeubles en fait. Ah mais ça fait des années que t'as déménagé. Bah là ça va faire 3 ans, mais bon 3 ans c'est un peu long peut-être. Ouais, pas... Ça traîne je crois. C'est... Ouais mais après il y a beaucoup de chantiers qui durent des années. Voilà. Ouais. JM du standard, ouais. T'as encore rien à dire comme hier? Non, j'ai deux petits trucs. Hier, c'est dingue, c'est qu'à chaque fois qu'on lui parlait hier, JM du standard, il avait pas d'histoire à raconter quoi. J'ai vécu lundi 13 mètres carrés, c'est pas grand. Bah non, c'est sûr, c'est pas grand. Il y en a qui vivent dans moins. 9 mètres carrés. Il y a beaucoup de 9 mètres carrés. Ouais grave. Surtout dans les grandes villes. Attends, notre apprenti. Jordan l'apprenti, il habite dans combien lui? Dans 9 mètres carrés, ouais. C'est le minimum autorisé en France. Je crois, ouais. Et encore des fois, il y a en dessous. Ça veut dire, non, oui, mais c'est pas autorisé. Bah, c'est pas autorisé, mais il le loue. C'est illégal, quoi. Ouais, c'est illégal. Hein. Ouais, bon, y en a plein qui le louent. Pour l'oseille, franchement, ouais. Les proprios, là, ils abusent. Non, mais faut le dire. Non, mais c'est vrai que 9 mètres carrés, c'est compliqué. J'aime le standard 13 mètres carrés, c'est pas très grand non plus. Ouais, grave, ouais. Ouais, t'as dû galérer un petit peu. En plus, 4 ans, quoi. Au final, après, t'as pas envie de rester chez toi. Dès que tu peux sortir, tu sors. Eh ben, venez nous raconter. Est-ce que pareil, vous avez déjà habité dans un endroit un peu original, ça peut être autre chose qu'une maison, hein. Ça peut être autre chose qu'un appartement ou quoi. Une voiture, exactement. Moi j'ai un pote qui dormait dans une voiture. Ouais, j'ai fait 3 jours moi en voyage. Pendant 6 mois, il a vécu dans une. Ah, quand c'est la galère. Il s'est engueulé avec ses parents, ils sont séparés, pareil, etc. Il s'est retrouvé dans la voiture jusqu'à qu'il trouve un boulot et après. Et pendant 6 mois, il dormait sur le parking de mon ancienne radio. C'est pas confortable en plus. Et donc, moi je faisais rentrer pour prendre des douches et tout discrètement, machin, enfin c'est un petit peu arrangé. Moi j'ai un peu rendu service. Et je me disais, putain, ça doit pas être facile de dormir la nuit. Voilà. Il fait froid et tout. Et je lui ai proposé de venir dormir chez moi, il a pas voulu d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je lui dis, mais viens 2 semaines, m'en branle et tout. Je lui ai dit, vas-y, mets-toi à la cool quoi. Dans le canapé. Et il a jamais voulu venir dormir chez moi. C'est bizarre, voilà. La fierté. Moi je suis venu. Soit ça devait être vraiment dégueulasse chez moi. Non, mais j'avais un petit truc tranquille quoi. J'ai 30 mètres carrés, on pouvait dormir à deux. Je lui ai dit, mets-toi un canapé. Passe, Franchement, et tu restes un mois s'il faut. Mais enfin bon, c'était un bon pote en plus, ça m'embêtait un peu. Flo des cadeaux, t'as déjà habité dans un original? Ouais, dans un mobilhome justement. Quand mes parents ont divorcé, ouais, on a a fini dans un mobil-home. On a duré un an dedans, le temps de retrouver un nouvel appart. Un an? Ouais. Ah, c'est vrai? Et passer l'hiver dans un mobil-home, c'est pas très drôle. Ah, il paraît que c'est froid. Ouais, quand il pleut, c'est hyper mal isolé, donc t'as hyper froid tout le temps. Et puis, c'est pas des vraies portes, pas des vrais murs. Oui, c'est pas des vrais murs. Ouais, c'est donc camping, c'est chaud, quoi. Ah, c'est plus compliqué. Et t'as vécu un an jusqu'à que tu retrouves quoi? Un nouvel appart, en fait. Mais ils sont été longs pour trouver un appart, c'est un problème d'argent? Bah non, en fait, ouais, quand ma mère a divorcé, elle avait plus trop d'argent. Ah oui, juste avec un an. Ouais, voilà. D'accord. On a trouvé un système. Non, j'ai pas compris. C'est bon, j'ai récupéré les SMS, ça remarche avec mon portable. C'est moi qui paye, hein, la connexion, mais. J'ai envoyé un SMS. J'ai trop pressé de te voir dans TPMP, tu seras là quand? Mais à partir de lundi, Seb. Salut, frère. Salut, Seb. Salut, salut. Quand j'entends ta voix à la radio, j'ai ma culotte qui fait des bulles. Merci, Alicia, du 7-5. C'est glamour. Merci d'être là le vendredi soir, c'est de la bombe. Merci à vous, je vous kiffe. Ça me donne presque envie de prendre du geste agir en le vrai. On va se calmer. Putain, merci, j'ai l'air de zigounette pipi dans la tête. Maintenant, c'est trop bien. Salut Alex du 47. Ça change chez moi. Il est horrible. Franchement, ce générique, c'est une pub pour une poupée dans les années 90. On peut la remettre là, c'est bien. Et en fait, c'était une poupée qui faisait pipi et la pub, c'était. Je sais pas si vous rappelez de ça, ceux qui ont 25, 35 ans. Comme un orphelin sans vous tous les vendredis, Alex le routier. Perso, j'habite dans ma chambre depuis 14 ans. Salut. Ah, bien. En direct là. Oui, bien sûr, on est en direct. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est en direct. Il s'est passé quoi aujourd'hui, stagiaire? Il y a une agression ce matin à Paris. Une infirmière qui a été agressée. Le mec a été tué à Vincennes. Ouais. C'était pourquoi qu'il l'a agressé d'ailleurs? Je sais pas, j'ai pas vu l'article. Mais encore un dégénéré, c'est à la mode. Bah ouais, mais je crois. Enfin, je sais pas. On verra. Très à la mode. Ouais. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Jennifer Lopez prépare une série judiciaire. Non, il y a rien de plus intéressant. La femme de Donald Trump était escort girl dans les années 90. Oui, c'est même des pays de l'Est en plus. Très bien. Ah oui, c'est vrai? Ouais, elle est trop belle. Ah ouais, non, mais elle est belle, bien sûr. Ah ouais, il se met bien, lui. Après, toutes les femmes belles n'étaient pas non plus. Ah non, non, mais je précise, comme ça. Girl, hein, voilà. très bien. Eh ben, une expo géante sur le groupe Pink Floyd. Voilà. Il n'y a pas eu grand chose dans l'actu aujourd'hui. Ouais, non. Flo des cadeaux. Il y a eu le dernier Samsung, ils les ont rappelés parce qu'il y en a qui explosent. Ah oui, j'ai vu. Oui. Il paraît, ouais. Exactement. C'est rassurant, c'est bien. Putain, j'ai l'air de zigounette pipi aussi, salut. Moi, j'ai déjà vécu dans la caravane d'une amie avec mon ex-copain pendant plusieurs semaines, mon soeur Caro de 79. Salut. J'ai un stagiaire et c'est trop branlé qui a fini par perdre ses cheveux. C'est vrai non, que non, 23. JM, tu t'en as. Est-ce que t'as une bonne blague ou pas aujourd'hui, non? Il y en a qui demandent la blague de 22h09, le nouveau rendez-vous. À 19 alors. En fait, je t'explique, Guillaume. Hier, j'en ai fait deux, j'en avais une troisième. Je t'explique. Non, ouais, et la troisième, elle a pas marché. Vraiment mauvaise. Non, elle est très bonne, mais en fait, il y a une formulation qui manque. Elle est pas claire. Donc, je préfère attendre lundi, c'est possible. Ouais. Elle est très bonne, mais elle fait rien personne. JM, tu t'en as.